En Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Prends ce qu'il me donne, la couronne. Avec la croix, comptez sur lui de rendre. Voici au devant de toi encore aujourd'hui pour dire nous comptons sur toi à cette heure des ténèbres qui envahissent la terre. Dans cette heure d'iniquité manifeste Seigneur et d'injustice qui révèle la terre, tu veux nous donner un vêtement. Le vêtement, le fin lin blanc qui sont les œuvres justes des saints. Dans ce moment où tu le crois d'injustice atroce et de grand opprobre sur la terre où nous sommes plongés dans les ténèbres, tu veux nous donner le revêtement. Ces vêtements, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, car tu as dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur, dans ce moment, ô Dieu, où nous sommes entrés dans la captivité, par nos emplois, dans nos familles, par nos propres pensées, tu nous accordes le manteau de délivrance. Nous sommes au devant de toi, Père, pour dire que nous t'aimons, nous te célébrons, et nous comptons sur toi jour après jour, dans ce moment de ténèbres, car tu es notre lumière. Tu as dit, lorsque tu étais sur cette terre-ci, dans cette tente où tu t'étais voilé, tu as dit, si quelqu'un demeure en toi, il ne marchera point dans les ténèbres. C'est pour ça que nous prions, Père, que tu nous gardes en toi. Je prie pour ceux qui sont ici, pour tous ceux qui nous écoutent à l'extérieur de ce pays, pour tous ceux-là qui ont décidé de marcher avec toi, Jésus. Je prie que tu te manifestes à chacun de sans exception au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu as tes enfants partout et tu les appelles à se réunir dans le Saint-Corps que tu as toi-même construit. Je te remercie, Père, parce que tu le fais et que tu as dit, aucun de tiens ne périra. Merci parce que tu les appelles de part et d'autre dans le monde entier, Père, pour se consacrer à toi. Que la puissance du Saint-Esprit saisisse chacun de Père de gloire et le pousse à la sanctification, à une vie de sainteté et de consécration à toi. Nous nous prosternons aussi, Père de gloire, pour prier au Dieu pour tous ceux qui passent par des moments de difficulté dans l'Église, dans le monde entier. Que tu leur donnes de tenir et de croire au Dieu de gloire, que tu es le Dieu qui répond aux prières. J'ai prié pour ceux qui sont malades, j'ai prié pour ceux qui étaient angoissés, j'ai prié pour ceux qui sont opprimés, pour ceux qui sont persécutés, que tu leur donnes de tenir ferme et de regarder à toi pour leur solution. J'ai prié au Dieu de gloire que tu te manifestes puissamment en relevant quelqu'un du lit des malades. J'ai prié au Dieu de gloire que tu ouvres les yeux des aveugles, que tu relèves les paralytiques et que ton nom qui est puissant soit proclamé, Père de gloire, parmi les captifs. J'ai prié, Père de gloire, que tu libères de leur prison tous ceux qui sont dans la captivité et que tu envoies la lumière dans le cœur de tous ceux qui étaient enveloppés par les ténèbres. Je prie, Père de gloire, pour ceux d'ici, nous tous qui sommes prosternés ici, pour tous ceux qui sont encore en route pour venir en ce lieu. Je prie que tu bénisses chacun, que chacun soit transformé encore davantage, pour regarder toujours à toi, car tu as dit que tu es le chef et le consommateur de notre foi. Nous nous soumettons à toi, Père, afin que toi seul, tu sois la résonance de notre cœur. Que tu circules dans nos cœurs par les ondes de ton esprit, Père, pour sanctifier et purifier tout ce que l'ennemi avait mis en nous pour faire son œuvre. Que tout filet de l'ennemi dans nos vies soit détruit et que nous entrons dans la pleine lumière qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. La Bible déclare dans le psaume 111, le verset 9. La Bible déclare qu'il a envoyé la délivrance en son peuple. Dans le psaume 111, le verset 9, la Bible déclare qu'il a envoyé, bon ça tu vois, le volet A, le volet B, le volet C. La Bible déclare dans ce psaume 111, le verset 9, qu'il a, oh c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il a envoyé la délivrance à son peuple, ça me surprend. Comment Dieu envoie la délivrance à son peuple? Son peuple a besoin de délivrance. Il dit qu'il a envoyé, c'est la partie A là-bas, je crois que vous allez le suivre. Ça vient sur le cœur, je vais citer tel que c'est écrit. Il dit qu'il a envoyé la délivrance en son peuple. Le deuxième volet dit qu'il a établi pour toujours son alliance. Donc ça ne peut pas changer. Puis le troisième volet dit, oh c'est merveilleux ça. Son nom est saint et redoutable. C'est merveilleux. N'est-ce pas ce qu'il écrit? Vous vérifiez là. Il dit qu'il a envoyé la délivrance à son peuple. Donc son peuple reçoit seulement la délivrance. Il dit qu'il a établi pour toujours son alliance. Puis il dit, en fait, le secret se trouve dans son nom. Son nom est saint et redoutable. Le nom majestueux, le nom glorieux, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible déclare qu'en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Donc le Seigneur nous a envoyé la délivrance. Son nom est saint, son nom est redoutable au milieu de nous. Mais il y a un... je crois que je ferais mieux de m'arrêter ici. Quand il commence comme ça, je ferais mieux de m'arrêter pour suivre s'il y a des questionnements, pour voir dans quelle direction je vais nous entraîner aujourd'hui. Vous avez des questions, vous avez des cantiques. Mais j'étais en train de prier cela, je crois que c'est dans la nuit d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas comment les pasteurs peuvent décider d'être ennemis des pasteurs. Je ne peux pas savoir comme ça. De quelqu'un de s'asseoir, je veux un pasteur s'asseyant en causant, il causait de moi. Il dit, dans mes enseignements, je l'insulte. Il dit, c'est ce que je tente de voir dans cette vision, qu'on me pose des questions, mais les réponses que je donne, c'est pour l'insulter. Mais maintenant, le pasteur dit, c'est la question, c'est qu'il a des réponses comme ça. Et curieusement, le pasteur a dit, écoutez mes enseignements. Il écoute les enseignements, mais il dit que je suis en train de l'insulter. Il dit que, par exemple, on pose la question sur les dîmes. Je dis par exemple que les personnes qui prennent les dîmes, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas normal. Il dit que c'est à lui que je m'adresse. Mais si c'est ok, s'il prend ça, c'est son problème, mais quand même c'est à lui. Mais je dis que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Non, normalement, si les gens sont. C'est pour ça qu'on ne parle pas en cachette. La maison est ouverte, comme vous voyez, puis les adresses sont données. Que ce soit sur Internet, on donne les adresses. On est ouvert. À la radio, on dit c'est en direct appelé. Il n'appelle pas. Quand vous sortez de la radio, on appelle, on dit que tu es un sorcier, tu es un ceci. Pourquoi ne pas appeler à la radio en direct pour dire que je ne suis pas d'accord avec toi et montrer dans les écritures, il ne peut pas le faire. Parce que c'est ça qu'ils vont se dévoiler. Alors, quand on dit ouvertement comme ça, quelqu'un va parler pour le faire, ça suppose donc que les ténèbres l'ont envahi. Il n'aime pas venir. Comme le Seigneur Jésus a dit dans ses livres des gens, chapitre 3, le verset 19, il dit que ceux qui pratiquent le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les gens ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand tu as les mauvaises œuvres, il dit dans le verset 20 que celui qui aime la vérité, celui qui fait la vérité, dont les œuvres sont vraies, vient dans la vérité. Donc on vient en plein jour, on expose ce qu'on a là. Amen. Mais il y a des gens qui restent dans l'obscurité parce qu'ils ont des plans machiavéliques derrière pour pouvoir subjuguer les gens. On n'est pas pour subjuguer les gens, on est là pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et mon souhait le plus ultime, comme l'apôtre le dit dans le livre des 2 Thessaloniciens, mon souhait le plus ultime, que sa divine puissance soit entre les chrétiens, en les chrétiens, pour le conduire dans la voie que Dieu a pour eux. C'est-à-dire, en résumé, qu'il y ait une sainte communion avec l'homme et Dieu, avec l'Église et Dieu, que l'Église entre dans sa possession et vive la vie de Christ. C'est mon souhait le plus ultime. Mais c'est une promesse qu'il m'a donnée. Il a dit, prêche ma parole, j'habiterai dans le cœur. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que, vous le voulez, vous l'admettez ou non, quand vous allez écouter ces enseignements-ci, que le Saint-Esprit parle au travers de cette vase inutile. Quand vous lisez la Bible, ça, la Bible commence à avoir un sens. Quand vous lisez la Bible désormais, la Bible commence à avoir un sens. La Bible n'est plus juste un roman où les gens lisent en disant « Je vais commencer par où ? Je vais lire par où ?» Vous commencez à comprendre que les choses qui sont posées dans cette Bible-ci ont un plan déterminé. Donc, il y a quelqu'un derrière qui a de construire quelque chose, on recherche quelque chose. Et alors là, tu n'arrives qu'à une conclusion. Soit tu ranges ta vie en conséquence et tu reçois ce qui est dans la Bible, ou bien tu subis en t'éloignant de la Bible. Donc, mon rôle, c'est prêcher pour que les gens rectifient leur vie. Prêcher pour que les gens qui allaient comme ça puissent rectifier devant le Seigneur. Et sache que tôt ou tard, ils vont se positionner devant le Seigneur pour être jugés par cette parole aussi. Quand ma mission sera terminée, je quitterai la terre s'il ne vient pas avant. Donc, que Dieu vous bénisse. J'attends les questions. Si quelqu'un a des cantiques, un psaume, une révélation, un songe ou n'importe quoi à donner, vous donnez pour l'édification. Sinon, on entre dans la parole. Et si vous le trouvez bien, je tente de dire, si c'est possible que désormais, on se réunit plus tôt, 16h, 16h30, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on a le temps de travailler, parce qu'on se réunit là, tôt, tard, c'est pour les gens, quand l'école va commencer, vous aurez les enfants qui vous allez travailler pour... On va finir 20h, 21h, c'est pas bon pour les femmes mariées. C'est pas bon, donc on commence tôt, si ça vous arrange. On commence souvent à 16h, si on peut s'arranger à 16h, puisque c'est un jour qui est libre là. À 16h, on commence, on a le temps de travailler. Donc, selon que de 16h, on va... 4 ou 5 ans, on pourra avoir le temps de travailler et aussi le temps de prier. Parce que je regarde, la Bible déclare que Dieu a envoyé la délivrance à son peuple. Je dis, on peut prier pour les gens, mais il n'y a pas le temps. Il faut qu'on se concentre à la parole, mais ça me dérange. Oui, mon cher, tu as des questions. Bonne arrivée. Merci. Ça n'a pas été facile pour toi aussi, non? Assieds-toi, frère. Attends, évite que chaque fois que tu parles. Ce sont des réflexes. Il y a les réflexes. Je crois qu'il y a un enseignement là-bas, le nettoyage des déchets issus des dénominations. Il y a des réflexes. Il y a les réflexes, par exemple, quand tu as dit à quelqu'un que lis la Bible, dit que je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Deux fois que tu dis je lis au nom de Jésus-Christ. Trois fois. On a comme l'impression que si on dit, on ne dit pas qu'on lit au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas avoir l'effet. Ou bien il y a un problème. Ou bien l'autre, c'est qu'on veut poser la question, on se lève, on se lève. Sens-toi à l'aise, d'accord, et libre, d'accord. Je sais qu'il y a peut-être choses comme ça qu'on doit devoir corriger. Il n'est pas dit c'est pas bon, c'est pas bon. Mais c'est pas systématique. D'accord, c'est pas systématique. Pose ta question, mon cher. Ça n'a pas été facile également pour toi. Tu viens de loin là. Serviteur. C'est leader. C'était les leaders. Mais les enseignements, ça passe par la radio. Ça passe par les CD. Ça fracasse. Ça fracasse. Il y a des pasteurs qui écoutent, ils restent comme ça. Il y a un pasteur, je me souviens de ces pasteurs là. J'avais écrit les enseignements quand j'avais commencé à écrire. Parce que quand un des seigneurs, le Saint-Esprit dit, donne-moi ta main. Il dit, un des seigneurs, le Saint-Esprit dit, donne-moi ta main. Je donne ma main. Et ma soeur, il dit, assieds-toi, ma soeur, sur la machine. Je tape, ça sort. Je tape, ça sort. Je tape, ça sort. Je tape, ça sort. Il va imprimer. Imprimer, distribuer. C'est là. Ce sont ces enseignements que vous avez maintenant sur CD. On a donné un pasteur. Le pasteur monté la colline, il a lu comme ça. Là. Il a lu. Il est calé debout comme ça sur la colline, là, comme ça. Là. Il a fait. Il regarde comme ça, là. La soeur, là, lui demande que c'est quoi. La soeur était à côté de la soeur qui lui a donné le CD. Quoi, là, quoi, l'enseignement. La soeur lui demande que c'est quoi. Elle ne regardait plus la soeur. Elle regarde la colline sur le sommet en haut. Le pasteur, il regarde sur le sommet en haut, il regarde, sa vue est perdue. Il se tourne en bas, il regarde. Il dit qu'il est temps que chacun cherche Dieu. Amen. C'est le pasteur qui dit ça. Qu'il est temps que chacun cherche Dieu. Il dit, quand il regarde, il regarde encore le lancement, il faut me dire, waouh. Il dit, je sens que je suis loin de Dieu. Le pasteur, quand le pasteur dit, je sens que je suis loin de Dieu, imaginez ce dont il conduit. Imaginez. Beaucoup sont là. Beaucoup viennent des pasteurs. L'autre était sorti de ce jour, je venais à la maison. Je l'ai vu cette personne là-bas. Il dit, mais mon cher, c'est quoi? Il dit, je suis brisé. C'est quel est ton problème? J'ai lu les enseignements que tu as écrits là. Je suis coupable. Il dit, quel est ton problème? Il dit que Dieu m'a envoyé que prie pour moi. Prie pour moi. Il dit, non. Et doucement. Tu ne peux pas t'agenouiller devant moi. Il faut seulement que tu acceptes et que tu te nettoies. Il dit qu'il est déterminé à suivre la vérité. Il dit que quand il va rentrer là-bas, parce qu'ils sont en collège, on le nomme là-bas parce qu'il faut qu'il fasse que les agents entrent. Il dit que je ne peux plus faire comme ça. Il dit que sache que tu auras des problèmes. Toi également, en allant à Yon, j'ai donné les 150, plus les 150, c'est des... Il te dit que quand tu sortis, c'est le feu que tu as dans les mains, non? C'est comme ça. Ça passe ou ça casse. Amen. Quand le bulldozer commence à rouler, ça avance. Si tu es devant elle, si tu dis que non, passe pas ici, ça avance, non? On va voir qui va résister à qui. La puissance du Saint-Esprit, parce que Dieu est en train de balayer la terre par sa puissance pour regrouper. Donc voilà, c'est un de mes frères aussi qui est comme ça. Il a écouté, quelqu'un lui a donné le CD. Il a écouté, ça l'a renversé. Il est resté avec le pasteur, discutait avec le pasteur. Mais pasteur, oh, tu prêchais ces choses, tu étais dans la vérité. Un temps, tu es sorti. Lui, il a suivi la vérité, il a vu, il a comparé les Écritures. Vous savez, quand vous êtes de ce grain-là, de cette sémence, vous asseyez là où il y a le faux, vous ne pouvez pas faire autrement. L'apôtre Paul a dit à Festus que je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc, je devais seulement quitter le groupe des pharisiens. Il a vu ça. La réalité, la vérité lui venait d'arriver, mais il était dans le groupe des pharisiens. Il ne pouvait pas résister. Donc, il dit que j'étais comme les pharisiens qui sont devant là maintenant, qui me condamnent aujourd'hui là. Mais j'ai vu le Seigneur Jésus. Il m'a expliqué la vérité. Je ne pouvais pas résister à la vie, à la vision. Il a discuté avec son pasteur, discuté. Son pasteur, il dit le frère, c'est le frère William. Il a discuté avec le pasteur, je... Donc voilà qui est sorti. Il était obligé de jeter le tablier. Courage. Amen. Dans notre génération aussi, c'est une grâce de tenir ferme pour la vérité. Amen. Parce qu'on est arrivé dans un système de compromis où chacun, non, c'est mon frère qui est à l'église. Mon père, il est pasteur. S'il est pasteur, il est noyé. S'il a laissé noyer, il t'attrape le pied. Tu vas sortir de noyer avec lui. Si vous tombez dans l'eau à deux, il a noyé, il boit l'eau là. Il s'attrape sur ton pied. Et tu sens que si tu le, il te lève, vous allez aller ensemble. C'est toi qui vas débarrasser le pied de ton père que noie. C'est pas ça, hein? C'est ça. Alors faites attention. Fais attention, Romains chapitre 14, verset 12 dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc veillons sur notre vie. Sachant que c'est qu'un homme n'est pas mort pour vous, c'est le Seigneur Jésus. Et si c'est le Seigneur Jésus qui est mort pour vous et qui nous a donné cette vocation, la Bible, en disant que voici les règles que j'ai établies pour les gens qui m'appartiennent, marchons dans ces règles-là. Un, c'est lui qui est mort. Deux, c'est lui qui justifie. C'est lui qui sanctifie. Et en plus, c'est lui qui va juger. Donc c'est sa parole qu'on doit prendre en considération. Parce que si je dis que mon pasteur m'a dit telle chose, et la Bible dit une autre chose, quand tu vas te tenir devant Jésus, et quand il va condamner ton pasteur, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Vous voyez? Donc tourne-toi, regarde ton voisin, tu regardes bien dans les yeux. Tu dis que la parole. Dis, tourne-toi, regarde ton voisin, dis, regarde bien, vérifie la personne. Si quelqu'un ne dit pas, dis-lui que la parole du Seigneur Jésus, la parole du Seigneur Jésus soit le socle de ta vie. Soit le socle de ta vie. Ne permets pas, ne permets pas à personne, même pas ton père, même pas ta mère, de te bouger hors de la parole. Ainsi, tu auras de la considération. Et une raison saine. Devant le Seigneur. Amen. Amen. Mon frère, la question. Frère, je bénis vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit qui a permis que je sois avec vous ce soir. Mais vrai, j'ai beaucoup de questions, mais je ne sais pas si. Sans toi, libre. Et dans vos milieux, vous êtes là, on ne tolère pas les questions, pas vrai? C'est vrai. Vous êtes libre de poser tous les. C'est pour ça que. Vous dites que c'est comme ça que vous devez assez. Ah! Je sens que vous avez quelque chose, des choses sur lequel contre le pasteur. Donc, vous avez vu, je suis venu prendre ma Bible ici. C'était déposé là. J'ai déposé là, j'attends. Nous comptons sur lui. Donc, sans toi, lui pose toutes tes questions. Amen. Amen. On t'écoute. Et avant les questions, je ne sais pas si je peux rendre un témoignage. C'est pour ça que l'église est. Sans toi, libre. En fait, le témoignage est le suivant. Le jour qu'il était ici, oui. Et qu'on s'est séparés, oui. J'arrive donc. L'un des pasteurs qui travaillait en collaboration avec le pasteur sur qui j'étais, oui. Il m'a donc appelé, il a entendu des choses et il aimerait comprendre le fond. Oui. Je suis donc arrivé chez lui, il m'accueille, il me fait... La même nuit parce que tu es sorti, c'est un peu tard. En semaine. Il me fait comprendre ce qui ne va pas et quel est le but de mon départ. Donc le pasteur t'a appelé pour savoir, il a entendu que tu es parti. Il veut savoir, avoir un entretien avec toi pour savoir pourquoi tu es parti. Justement. Oui. J'ai donc commencé par lui révéler en fait le but pour lequel je suis parti. La cause. La cause. Je lui ai fait comprendre que la ligne doctrinale n'était plus scripturelle. Et il a essayé de comprendre le fond. Je lui ai fait comprendre qu'en fait, pour couper les choses courtes, je suis venu avec les enseignements que j'aimerais que vous-même vous écoutiez. Oui. Il m'a fait comprendre. Il m'a demandé de quoi est-ce qu'il s'agit. Je lui ai expliqué un peu. Bon, il m'a fait comprendre qu'il a reçu ses enseignements depuis 2005. Et que il a compris que s'il veut écouter cela, ses enseignements ont égaré plusieurs personnes. Oui. Je lui ai donc fait comprendre. Bon, c'est là où j'ai réellement compris le fond de ce passé. Parce que par le passé, je ne le connaissais pas ainsi. Voilà. Donc c'est là où quand je parle des enseignements. Quand je prends par exemple l'épître de Paul aux Corinthiens, oui. Là où la femme doit se voiler, oui. C'est là où il me fait comprendre carrément que en fait, Festus avait raison de dire à l'apôtre Paul que, qu'il, que son grand savoir le fait déraisonner. Oui. Donc, et il me fait comprendre que donc, tu es entré aussi dans cette église de Paul. Donc, en fait, ceux qui enseignent cette ligne doctrinale font partie, dont les qualifient de l'église de Paul. Donc, une façon de me dire que Paul a dit des choses qu'on ne doit pas respecter aujourd'hui. Oui. Je lui ai donc demandé, et puis il m'a fait comprendre que là-bas, Paul parle aux Corinthiens. J'ai dit que, rentrons lire par exemple le chapitre 1, le verset 1, oui. Là où la Bible explique que les destinataires. Justement, mm-hmm. À l'église de Corinthe. Il a lu. Qu'est-ce qu'il a dit, frère? Il me fait comprendre que non, en fait, ces choses-là, il m'a déjà dit qu'il a grandi dans la dîme, il va pratiquer la dîme il et il ne pourra enlever cela de sa tête. Et il m'a conseillé d'aller faire une formation biblique. Ah. Et là, à la sortie de cette formation, je pourrais comprendre un certain nombre de choses qui pourront m'aider. Oui. Donc, après cela, on s'est séparés. Et puis, depuis ce jour-là, je me sentais, avec les enseignements que j'ai écoutés, il y a beaucoup de choses qui ont été balayées. Nettoyé. Et je sentais cette joie-là. Parce que le jour où le Seigneur m'avait visité, j'avais une certaine joie. Mm-hmm. Mais à un moment donné, quand j'étais plongé dans la dénomination, cette joie-là a disparu. Oui. Et quand j'ai écouté les enseignements. Ouais, pourquoi il parle que les dénominations sont les prisons des âmes. Amen. Dieu te sauve, tu vas t'embrigader. La voix de Dieu disparaît. Tu commences à t'embrouiller avec les hommes, la joie disparaît. Jusqu'à ce qu'ils soient, ils ressortent, la joie revient. Et certains frères qui sont là-bas, je leur ai donné les enseignements. D'autres ont écouté. L'autre me disait l'autre jour que vraiment, ces choses-là sont tellement profondes qu'il est en train de vouloir faire asseoir cela en lui d'abord. Parce qu'il a commencé un peu à batailler ça. Mm-hmm. Il a vu comment les frères voulaient. La réticence. Justement, il a dit qu'il va d'abord faire asseoir cela. Il faut que Dieu m'assimile. C'est la bonne position là-bas. Donc, que Dieu le bénisse. C'est ça. Et l'une de mes questions. Attends, d'abord, avant que tu entres dans la question, commentons un peu ce témoignage. Lorsque vos pasteurs sont en veste, en blanc, avec le micro devant, en faisant le one man show. Il dit des choses, vous croyez, vous ne savez pas qui sont véritablement. Justement. C'est lorsque vous présentez la vérité devant lui que vous savez quel personnage vous avez vu. Il va t'appeler frère en Christ, tant que tu donnes ton argent. Là, à l'instant, tu lui montres la position, tu comprends qu'il est ton ennemi depuis. Amen. Que c'est un ennemi. Voilà un pasteur qui commence à dire que l'église de Paul, il y a des choses que l'apôtre peut enlever parce qu'il déraisonnait comme Festus. Donc, l'apôtre Paul parle, point de l'esprit. Un roi parle, il croit plutôt à ce que le roi dit. Le roi Festus a dit dans l'archipel, c'est que parce que quand la peuple a parlé, je parle des choses. Il a dit que vous croyez au prophète, je crois que vous croyez. Le Festus a dit que non, je crois que c'est parce que tu as trop étudié que ça t'est fait tourner la tête comme ça. Tu vois, le pasteur a pris la position du roi. Or, l'apôtre Paul dit que, je vous le dis, frère, vous le déclare, frère, que l'évangile que vous avez annoncé n'est pas d'un nom. Ce n'est ni par moi, ni par une étude, mais c'est par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, on dit que si quelqu'un croit être prophète ou esprit, qui reconnaît ce qu'il vient de vous écrire est un commandement du Seigneur. C'est pas ce qu'il écrit. Voilà ce que regardez ce que le pasteur dit. Vous voyez pourquoi dans l'illustration, quand il parlait à la rentrée, que si le pasteur lui-même est dans le four, remarquez, imaginez. Parce qu'il sait très bien que c'est pour la nourriture. Vous voyez, ça c'est un. De Dieu, il m'a posé une question. Est-ce que le pasteur qui parle avec toi parle en langue? Il faut donc lui dire que c'est seulement Paul qui enseigne sur le parler. En langue. C'est l'église de Paul. C'est-à-dire qu'il a pris une partie de l'église, il occupe une partie de l'église de Paul. Parce que c'est seulement l'apôtre Paul qui enseigne. Oui, d'accord. C'est seulement l'apôtre Paul qui parle en langue. C'est pas ça, mon cher. Voilà. Il a dans son église, ils ont aussi les anciens, les plus les diacres, non? Dis-lui que c'est seulement l'apôtre Paul qui parle des diacres, ces choses-là. Et celui qui a montré la façon dont on doit établir cela. Comme on dit que c'était pour les Corinthiens, dis-lui que les diacres, c'est uniquement à Éphèse. Et il avait dit ça seulement à Timothée. Tu comprends? C'est comme ça. Donc, eux-mêmes, ils déraisonnent. Voilà la Bible. Ne permettez pas, dis encore à quelqu'un, ne permettez pas. Ne permettez pas. Que quelqu'un vous bouge de la parole de Dieu. Que quelqu'un vous bouge de la parole de Dieu. Amen. Souvenez-vous que la tactique de Satan, dès le départ, dans le jardin, n'a pas changé. Dieu a-t-il réellement dit, ils sont un peu comme ça de cadre. Quand Dieu a dit, ça règle le problème. On n'a pas besoin de philosophie, c'est ce que Dieu a dit. Que Dieu bénisse ce pasteur-là aussi. Amen. Mais le problème, c'est que ne craignez pas de rendre témoignage lorsqu'il faut rendre témoignage de la vérité. Amen. Il faut que ça dise que quand on vous consulte, on vous convoie, c'est comme un pasteur qui, il est venu ici plusieurs fois, il a écouté. Il dit que pasteur, c'est ce fois-ci, il va certainement citer sa parole, il a dit pasteur. Un de ceux qui sera encore ici au milieu. Il dit pasteur, Dieu t'a donné la connaissance, il a tourné le dos. Après, il dit, je vais venir, toi-même, tu vas m'initier. Il dit non. Après, c'est hier que je l'ai porté dans la voiture, il me dit, j'ai déjà dit à mes gens de mon assemblée que je vais inviter un pasteur ici, mais il faut que moi-même me prépare. Parce que lui, il vient, il ne cajole pas. Il dit qu'il ne cajole pas. Après, il dit que franchement, je vais te préparer un jour, Dieu voulant, je vais t'inviter pour que tu viennes prêcher. Parce que quand il parle, il croit avec toi que c'est la blague. Je lui ai dit que face à face, en le regardant dans les yeux, il dit que tu sais que même toi, je ne peux pas te ménager. Et si on fait quelque chose, ça sera d'après la Bible. Si ce n'est pas d'après la Bible, je n'en fais pas partie. Alors il m'a regardé comme ça, il a commencé à rire, il dit que toi. Il dit non, il n'y a pas de philosophie. C'est les choses de Dieu. Si tu es pasteur, on sait Dieu. Dieu a fixé ses règles. C'est un peu comme un occidental ou bien n'importe qui. C'est pour ça que vous voyez, quand tu vas en France, tu respectes les règles, la législation française. Tu ne peux pas entrer en France, commencer à imposer que ici en France, désormais, on va courir dans la rue à gauche, on va le mettre à droite. Quand tu viens dans un pays, tu respectes la législation en vigueur. Donc, ça veut dire que si tu es coupable, on va te condamner selon cette législation-là. Vous allez à Londres, on roule plutôt à gauche. Tu dis non, chez nous au Cameroun, on roule à droite. Va là-bas rouler à droite, alors vous vous en sortirez. On va vous pénaliser là-bas. De la même façon, si quelqu'un qui est à Londres, qui roule à gauche, vient ici, il est obligé de s'adapter à la chose. Comment dans les choses du monde, nous parlons à nous adapter à cela? Et pour Dieu, chacun croit qu'il peut faire n'importe quoi. De toute façon, on peut faire n'importe quoi avec le monde. On esquive, on va le policier en roule, on négocie, on lui donne de l'argent. Chez Dieu, il n'y a point d'acception. Chacun va rendre compte devant lui. D'accord? Donc ne craignons pas de rendre témoignage. Parce que c'est la personne qui vous dit ou quoi, ce n'est pas lui qui est mort pour vous. La personne qui est morte à la croix et ressuscitée est également mort pour lui. Et nous tous ensemble, on va aller devant le jugement de face à cette personne. Ne craignez pas pour rendre témoignage. Dites la vérité. Même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère qui est pasteur, même si c'est celui qui t'a amené en Christ, comme on dit. Ne craignez pas de dire la vérité. Dites la vérité et laissez juste agir. Donc, j'ai enregistré même notre conversation. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui. Quand j'écoute parfois, je me demande même où tu étais. Où j'étais. C'est quand les gens qui sont à l'intérieur de l'illumination, c'est pour cela, permettez-moi de vous dire encore quelque chose. C'est pour cela qu'il y a toutes sortes d'activités autour de l'administration religieuse chrétienne. C'est-à-dire, on va organiser des séminaires, inviter un Dieu, on a invité l'un de Dieu pour qu'il vienne de ceci. On fait des annonces, on fait des tapages. Séminaire de ceci. Quand on fait ça, c'est pour appeler le fond. Les gens viennent pour appeler le fond. Quand ils rentrent, ils divisent avec le pasteur de l'église. Parce que le pasteur, on connaît ce principe-là. Ils savent qu'ils sont là souvent. Ils parlent de l'argent, vous êtes dû. Ils font un petit truc, ils invitent quelqu'un de l'extérieur pour venir. La personne vient, il dit, un grand séminaire qui vient venir ici. Quand il va parler, vous allez voir, il ne peut pas monter. Il monte, il descend. Il va vous dire, je veux des gens qui vont faire des actions de foi. Parce qu'il sait que vous donnez l'enveloppe pour que plus tu donnes, plus Dieu te bénit. Ils vont faire cela, vous donnez l'enveloppe. Après, ça pas derrière. Remarquez très bien, si vous êtes honnête, vous allez remarquer que quand ces gens-là viennent, ils partent, vous voyez que l'aspect du pasteur a changé, votre propre pasteur a changé, soit un nouveau véhicule, une nouvelle chose qui est venue, parce qu'ils ont divisé, ils ont fait le partage. On doit donner une offrande à ce pasteur. Oui. Une offrande, oui. Pour lui permettre quand même du déplacement. Voilà. Donc voilà autant de choses qu'on dit. Donc il faut qu'on se comprenne que votre vie, vous allez répandre entre les mains. Et je crois que c'est le sujet qu'on va voir ce soir. On va voir ce sujet ce soir. Donc, après tes questions, on va voir le sujet. Chrétien, prends ta vie spirituelle entre tes mains. Amen. D'accord? Il faut qu'on envoie cela. On va voir dans la Bible. D'accord, mon cher? Donc, les pasteurs vont confronter la vérité, la Bible. C'est avec la Bible. Quand un pasteur parle selon la Bible, il dit même dans la radio. À la radio, quand ils sont à la radio avec le pasteur, ils ouvrent la Bible. Je reste tranquille. Je n'ai pas de Bible. Ils parlent. Je dis, c'est dans telle Bible. Ici. Après, il pousse la Bible devant lui que le pasteur dit ce verset, il regarde le verset, il pousse encore sa Bible, sa propre Bible, il fuit sa Bible. Il dit qu'il ne croit pas à cela. Quand tu ne peux pas croire quelque chose qui est écrit dans ta Bible, c'est ta Bible qui le dit. Je dis, ok, si tu veux, soit tu cales en l'air ou tu déchires. Déchire, ça ne se fait pas voir ça dans la Bible. Le pasteur, maintenant, elle a sa femme enceinte, elle est à côté. Quand il n'est pas là, c'est pourquoi la dîme et les offrandes sortent de la maison. Ils ne mettent pas n'importe qui au niveau des collectes, jamais. C'est proche, les proches pour dire que je te fais confiance. Vous savez? Ils font tout et tout pour que. C'est pour ça qu'ils prennent les offrandes avant que l'heure de culte ne finisse. Parce que avant l'heure de culte, c'est que certaines personnes peuvent partir. Ah, que Dieu nous pardonne. La cupidité. La cupidité. Donc je crois que les gens qui sont en train de venir vont bien comme ça, les autres puissent bien s'asseoir, frère. Oui, mon frère, la question. Ma question se trouve dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, oui. Verset 31 à 33. Oui. Oh, il parle de nous, savons que Dieu, que le. Je crois qu'il faut pour aimer. Tu viens serrer les femmes ici. Je crois qu'il faut pour aimer des. Vous pouvez t'écrire. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un le nom et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Oui. Bon, je veux comprendre parce que comme cet aveugle qui a été guéri oui. a dit cela au juge qui était venu pour lui poser des questions. Oui. J'aimerais savoir, comme il a dit que Dieu n'exauce pas les péchés, comment comprendre ça aujourd'hui avec tout, par exemple, même les faux miracles qui se font. Voilà. Et donc, comment... L'exaucement des prières qui se font là-bas, malgré qu'ils soient dans le faux. Oui. C'est une bonne question. C'est parce que tu viens d'arriver. Hier, on a vu ici, attention à l'apostasie. On a vu ici la séduction par les miracles. Première partie, on a vu le fond en clan comble. Je vais seulement brosser quelques versets de l'Église. Je crois que tu auras le temps de suivre l'enseignement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'Évangile de Matthieu chapitre 7, le verset 15 et suivant, et verset 22 particulièrement dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Il a dit, il va le dire, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, il ne vous a jamais connu. Jésus va dire, « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » La Bible enseigne que Satan fait aussi les miracles. La Bible enseigne, c'est plein dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On voit que Satan essaie d'imiter Dieu. Donc il y a des miracles mensongers, comme Dieu te le dit, que Satan va venir, l'Antique quand il va venir avec les prodiges miraculeux mensongers pour ceux qui périssent. Donc il va faire des miracles extraordinaires. Quand Moïse est allé en Égypte pour faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, de l'Égypte ancienne, il a jeté son bâton, c'est devenu le serpent. Les magiciens ont jeté aussi pour eux, c'est devenu le serpent. Donc c'est puissance contre puissance. Satan est puissant. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est tout puissant. Donc, c'est comme ça. D'accord? Donc, Satan fait des miracles. Alors maintenant, beaucoup de choses se passent en milieu de l'église. Beaucoup sont des serviteurs sataniques. C'est-à-dire qu'on utilise cette puissance-là. Il y a beaucoup de marabouts qui sont devenus pasteurs. Il y a beaucoup de gens, vous avez par exemple quelqu'un au Nigeria qui faisait des fétiches, lançait des fétiches. D'autres vont même au Bénin prendre le vaudou. La puissance de Bénin, parce qu'avec la puissance de Bénin, les gens qui ont les stérilités, c'est pour cela qu'ils insistent sur les stérilités, les choses de puce, les maladies, les nourritures nocturnes, c'est pour ça qu'ils insistent là-dessus. Ce sont des choses qu'ils font dans les ténèbres. Ils savent maintenant comment déplacer, ainsi de suite. Donc, les pasteurs vont là-bas prendre cette puissance-là. Il y a des choses que ce n'est pas le moment de dire. Mais Dieu va les livrer. Les pasteurs vont prendre des puissances. Portant maintenant le manteau des pasteurs, prendre la Bible, lire la Bible, maintenant, faire que cet esprit se manifeste. C'est plein seulement en milieu chrétien. Plein. Donc, le fait que la Bible ait dit là-bas que nous savons que Dieu n'exauce point les péchés, mais si quelqu'un de nous fait sa volonté, c'est la Bible, c'est la vérité biblique. Dans Proverbe chapitre 28, le verset 9, la Bible déclare que celui qui. Non, le verset 9 du chapitre 28 des Proverbes, la Bible déclare que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc si on prêche la Bible, tu refuses d'écouter. Ne va même pas quoi prier. Parce que tu pries, tu en es mérité Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, pour ceux qui sont dans l'ignorance, qui vivent dans le péché, accorde des grâces. Ça, c'est autre chose. Mais de prier pour que l'exaucement vienne, c'est une autre chose. C'est ce que c'est cet aveugle de naissance dans le livre des Jean chapitre 9 que tu as pris. Essaye d'expliquer aux gens. Et tu vas voir maintenant que quand il va dire ça à ses pharisiens, il va dire que toi tu es né tout entier dans le péché, tu veux nous entraîner ces choses. Or, le chapitre 9 verset 1 dit, les disciples du Seigneur Jésus lui a posé la question en disant, Seigneur, est-ce que cet homme-ci qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché à cause de sa condition? Le Seigneur Jésus a dit, cette parole, j'aime ces paroles. Il dit, ce n'est ni à cause du péché de ses parents, ni à cause de ses péchés, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Que c'est la mission de Dieu, que Dieu s'exerce en lui. Et ça touche ce que nous allons voir ce soir. Quand Dieu se manifeste à l'intérieur de toi, personne ne peut jamais ôter ça. Tu vois que ses parents à lui avaient peur, non? Avaient peur de parler. Parce que et la Bible déclare que c'est parce que les Juifs avaient dit que si quelqu'un reconnaissait que Jésus était le Christ, on devait l'exclure de la synagogue. Dans notre terme, on va dire, exclut les gens de l'église. Donc, si tu reconnais telle vérité, on t'exclut de l'église. C'est ça, n'est-ce pas? Lui, il n'avait pas que faire de leur église là-bas. Puisque il avait été là-bas des années, sa situation n'avait pas changé. Il avait observé leur sabbat avec les rituels, sa situation n'avait pas changé. Maintenant, les œuvres de Dieu étaient manifestées en lui. Donc, il s'en foutait. C'est pour ça qu'il pouvait lui dire la vérité cache. Il avait pris sa vie spirituelle entre les mains. Ses parents pouvaient faire les compromissions en disant que, interrogez-le. Il a de l'âge. Il a interrogé le conseil de compte. Mais seulement si vous l'excluez, c'est lui que vous avez exclu. Est-ce que nous avions dit qu'on était d'accord avec lui? Vous voyez comment quelqu'un peut être hypocrite, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un, là, comme la Bible a dit que nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Normalement, aimons le Seigneur. Faisons sa volonté, il va nous exaucer. Laisse les folklore qui se passent là. Si quelqu'un vit dans une désobéissance et que les choses arrivent, il prie, ça exauce. Il faut qu'on fasse attention. Proverbe chapitre 18 dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne font suivre d'aucun chagrin. Regardez la fin de ces pasteurs, regardez les vies de couple, les vies de famille, regardez ce qui arrive tout simplement. Mais ils sont dans l'iniquité. Jérémie chapitre 7, verset 14 à 17 nous fait état de la reine du ciel qui observait, dont les juifs étaient soumis sur elle. La reine du ciel, ce qu'on appelle Marie dans l'église catholique aujourd'hui. Prenons l'église catholique. L'église catholique obéit à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4 dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chapeau. Tout sans exception, là-bas, on a le chapeau qu'il met sur la tête pour le faire, pour montrer qu'ils ne sont pas avec Christ. Nous sommes d'accord. Donc la reine du ciel est la marraine de l'église. On dit qu'elle est la mère de l'église catholique, n'est-ce pas? Donne-moi une église, même pentecôtiste, qui font le bruit là, qui sont plus riches que l'église catholique. Donc c'est clair, parce qu'il y a un exemple simple. L'église catholique est manifestement une église luciférienne, antichrist. Il n'y a pas de, ici il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de demi de, du tout. Ils sont faux et ça se voit à l'œil nu. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? S'il vous plaît, les téléphones qui sont fermés, les téléphones, ça ne dérange pas. Alors, l'église catholique est faux et manifestement fausse. Dès le départ, jusqu'à la moyenne punie, elles sont fausses. Mais cite-moi une église qui dirige n'est pas l'église catholique en richesse. Tu peux citer les rois de la terre prêtent d'elle, n'est-ce pas? Les rois du monde prêtent d'elle. Je pose la question. Oui ou non? Sa richesse vient-elle de Dieu? La Bible déclare qu'elle est parée d'or et de pierres précieuses. La luxure, c'est là-bas. C'est ce que la Bible déclare par rapport à elle. Mais ça vient de Dieu. Donc tu vois effectivement que ce qui s'est passé dans Luc de Jérémie chapitre 7 où les gens qui servaient la reine du ciel étaient bénis. Allons dans ce Jérémie la maison. Avant de commencer ce soir, la question. Jérémie, le prophète Jérémie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chapitre 7 de Jérémie. Jérémie chapitre 7. Vous y êtes déjà? Regardez à partir du verset 17. Jérémie était en train d'intercéder pour eux. Jérémie, le prophète, était en train d'intercéder pour eux. Regardez ce que Dieu dit, verset 16. Vous êtes avec moi déjà? Je commence à partir du verset 16. Il dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Après, Dieu lui dit le pourquoi il ne va pas écouter. D'accord? Verset 17 maintenant. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. C'est ce qu'on appelle Marie dans l'Église catholique. Reine du ciel. Il dit, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Dieu dit qu'ils font comme ça. C'est pour faire quoi? Mériter. Il dit que les enfants ramassent du bois. Le père allume le feu. Donc chacun participe. Donc le langage prophétique, c'est pour dire que du plus petit au plus grand, ils sont livrés à la reine du ciel. C'est cette reine-là qui s'est opposée à l'apôtre Paul à Éphèse. À Éphèse, dans Actes chapitre 16. Là. Nous avons l'affaire là en fait. Alors chapitre 44. Chapitre 44 de ce même livre aussi. Vous y êtes? Lisons à partir du verset 13. À partir du verset 13. Et puis vous allez suivre ce que Dieu va dire, l'ascension que Dieu a donné. Si vous êtes derrière là, je lis pour qu'on en finisse vite. On aille au sujet ce soir. On y va. Jérémie chapitre 44. Il dit à partir du verset 13. Il dit, je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par la peste. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte avec l'intention de retourner dans le pays de Juda où ils ont le désir de retourner s'établir car ils n'y retourneront pas sinon quelques réchappés. Verset 15, suivez attentivement. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Paphros répondit ainsi à Jérémie. Écoutez bien. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Donc, la résistance face au commandement de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est depuis avant 700 ans que Jésus ne vient. Quelqu'un, un prophète de Dieu, vient dire, voici ce que la parole dit. Changer de camp, ils disent clair et net que nous ne t'obéirons pas ce que tu dis au nom de l'Éternel. Il appelle comme ça le Dieu du ciel. Maintenant, suis attentivement. Verset 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Puis, regardez bien, regardez ce qu'ils disent. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions pas point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par le père et par la famille. Vous entendez ça, frère? Comment un être humain peut être si bas? Donc, le prophète veut lui dire, la façon dont vous vivez, c'est pas bien. Changer de vie. Il dit, quand j'étais dans le monde, j'avais des grosses voitures. D'abord même, quand j'étais dans le monde, quand il vivait avec les hommes, il sortait avec les hommes, c'est un autre langage. J'avais des grosses voitures pour manger le poisson. Mais depuis que j'ai connu votre Jésus là, voici mes jours qui sont entrés à l'intérieur, mes jours sont entrés encore pour le poisson. Or, remarquez bien, Dieu a dit au verset 13 que je châtirai par la famille, par l'épée. Il ne comprend pas que la famille qui est entrée, c'était Dieu qui amenait la correction. C'était pour les pousser à ouvrir les yeux. Il dit que non, non, non, non. Quand nous étions les servis, remarquez bien, quand il était dans la vie de Judas, il servait la reine du ciel, c'est-à-dire Marie, ils avaient des bénédictions. Dieu a dit que non, pour les faire cela, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas ma voix. Parce qu'ils pouvaient croire que c'était Dieu qui était dans les bénis. Pourtant, ils servaient Dieu, laissaient Dieu là, ils avaient des bénédictions. Mais Dieu envoie plutôt la famille. La famille pour couper les ressources, afin qu'il dise, mais qu'est-ce qu'il va faire? Dieu envoie dans le prophète pour dire que c'est parce que vous servez la reine du ciel que Dieu envoie le châtiment. Il dit jamais. La famille n'est plus trop dure. Il faut qu'on serve encore plus davantage la reine du ciel pour qu'elle nous donne la nourriture. C'est terrible ce que l'être humain peut faire. Résister à Dieu. Alors, je prends ce passage pour te dire, un, le fait que les gens soient exaucés dans leur prière ne signifie pas toujours qu'on est en règle avec Dieu. Parce que ceux-ci avaient des exaucements à leur prière, mais ils n'étaient pas en règle avec Dieu. Alors, comment ça va si oui ou non on est en règle avec Dieu? Il faut qu'on regarde d'abord si notre vie est à l'image, c'est que la parole présente. 1 Jean chapitre 2, chapitre 5, chapitre 2 d'abord, verset 14 et 5 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance, c'est que si nous lui demandons, nous, lui, il y a une personne qui va demander, nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. La chose qu'on doit demander, c'est Dieu selon sa volonté. On nous dit, il nous écoute. Pas vrai? Oui. C'est terrible. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Donc la règle c'est, s'il veut prier, il faut qu'il vérifie si je suis conforme à la parole du Seigneur. Un exemple, c'est Esaïe chapitre 59, il dit que non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas assez dures pour écouter, ni sa main courte pour sauver. Parce que quand c'est rétréci, on suppose que ça ne peut pas s'allonger. Il veut dire que ce qui a fait que j'ai rétréci ma main, il dit que ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés qui créent une séparation entre vous et moi et m'empêchent de vous exaucer. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc alors, quand vous allez aller prêcher aux femmes et autres là-bas en disant que sortez dans l'iniquité, dites que non, non, non, j'ai pris Dieu exauce, j'ai eu un son, j'ai eu un son, c'est les histoires. Un jour, elles seront surpris parce que Jésus a dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur. Et il a même dit que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur. Les musulmans ne l'appellent pas Seigneur. Les bouddhistes ne l'appellent pas le titre Seigneur, Seigneur de Jésus qui se trouve en milieu chrétien. Donc c'est en milieu chrétien qu'il y aura la délusion, la désillusion. Quand ils vont venir, on dit, mais Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, quel Seigneur? Alors dans Luc chapitre 6, verset 40, il dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Donc appeler Seigneur, c'est facile. Il dit Seigneur Jésus-Christ, c'est facile. Mais faites donc ce qu'il dit. Alors il avait dit à un de ceux quand on est venu le voir, dit que dans ce Marc 13, là, on a dit que ta mère et tes frères te cherchent dehors. Il dit que ma mère et mes frères, tu parles. Il n'y a pas de sentimentalisme dans la chose de Dieu. Il dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole et la gardent. Ce sont ceux-là qui sont ma mère et mes frères. Tu as vu cela, n'est-ce pas? Donc Jésus, dans l'une des gens également, la Bible déclare qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Il ne sait pas dire que je suis chrétien. Si je suis catholique, je vais mourir catholique. Mais lui, il a dit que si quelqu'un demeure dans sa parole, il ne verra jamais la mort. Donc, je ne vais pas mourir catholique, c'est ton problème. Question. Je vais poser la dernière. Comme tu as dit qu'il y avait plusieurs questions, il y a plusieurs questions, deux frères. Hein, frère? Bon, au fur et à mesure que vous expliquez ça. Ça nettoyait. Mm-hmm. Que Dieu soit glorifié. Amen. Mm-hmm. Bon, je veux savoir, puisque quand vous dites la vérité à quelqu'un aujourd'hui, et qu'il dit par exemple le passage de Luc 6, verset 37, oui. Matthieu 7, verset 1 et 1 Corinthiens. Mm-hmm. Comme vous jugera selon la mesure qu'on sera jugé. Justement. Mm-hmm. Et il a dit qu'il est jugé, point. Mm-hmm. Et j'aimerais savoir, bon, comment maintenant comprendre cet texte-ci, et est-ce que ces textes-ci ont un rapport? Un rapport. 1 Corinthiens 2, verset 15, qui dit que l'homme spirituel au contraire juge de tout. Lève-toi, mon cher. Dépose tes effets ici. Dépose tout. Les effets. Rentre t'asseoir. Pourquoi tu t'es assis, frère? Pourquoi tu t'es assis? Parce que j'ai oublié. Tu as oublié. Et tu t'es assis. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas tomber? Tu t'es assis et tu es rentré toi comme ça là. Il est venu depuis, vous avez vu. Il est rentré s'asseoir tranquillement, sans même regarder. Il s'est seulement assis. Nous dit quoi? Il a exercé un jugement parce qu'il avait confiance à ce qui était derrière. Amen. Il a exercé un jugement. Dans tes activités. Quand tu es sorti de la maison, combien de tasses sont passées devant toi? Vous qui prenez le tasse, vous asseyez devant le tasse. Vous faites un tasse, regarde. Vous voyez quelqu'un à l'intérieur avec des locks bizarres. Un homme avec les yeux comme quelqu'un qui fume le chanvre indien. Quand il fait pim, tu regardes ailleurs, non? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Que? Qu'est-ce que tu as fait? Le jugement. C'est pas ça? Vous allez au marché, vous passez, vous inspectez, vous les femmes qui allez au marché. Vous voyez, l'un dit asso, asso, c'est les tomates fraîches. Asso, asso, vous guettez son visage, vous guettez sa tomate. Vous guettez jusqu'à ce que vous traversez. L'autre se lève devant toi, asso, prends même ceci, good. C'est le plus, pas vrai? Vous le refusez, vous allez devant quelqu'un, vous dites asso, ici c'est comme vous-même qu'on va choisir. Qu'est-ce que ça veut faire? Le jugement. Il faut laisser la Bible dire ce qu'elle pense et qu'elle pense ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que Jésus dit. Pourquoi Jésus dit que ne jugez point et vous ne soyez, et ne serez pas jugés? On vous jugera selon la mesure que vous allez juger. Donc, par exemple, tu as dit à quelqu'un, que, à tes amis qui sont dans le péché, qu'il faut qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à Jésus. Pourquoi tu ne les laisses pas vivre leur vie qu'ils vivent? Quand tu fais ça, tu as de lui faire quoi? Juger, c'est ça justement. C'est pas ça, hein? C'est ça. Quand tu dis à quelqu'un que, quand tu arrives au carrefour pour choisir une route, tu dois faire le jugement. C'est le jugement qui va te faire que tu choisisses la bonne voie. D'accord? Quand tu regardes la Bible, tu lis la Bible. Tu dis, la Bible déclare, jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Est-ce que c'est convenable? Donc, quand tu dis jugez-en vous-même, ça veut dire que quand tu vas réfléchir, ce n'est pas normal vraiment qu'une femme prie Dieu sans se voiler. La Bible déclare, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans se voiler? La Bible dit qu'on fasse comment? Qu'on juge nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on doit mettre la chose devant nous, analyser et voir si c'est normal. Si c'est normal que la femme. C'est un jugement qu'on a fait. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il dit juger selon la justice. Mm-hmm. Qui est la justice, frère? C'est le Jésus. Jésus est notre justice. Mm-hmm. D'accord? Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Ouvrons la Bible là maintenant. Prends tes effets, frère. Il a pris et il retourne et s'assoit sans de... Vous voyez ça? 1 Corinthiens chapitre 6. Donc, il y a notre enseignement là-dessus. Que veut dire être jugé ou bien ne pas juger? Mm-hmm. On va revenir là-dessus. Donc quelqu'un dit que ne jugez pas. L'apôtre Paul donne l'ordre par exemple à Tite. Il dit que éloigne de toi, après un supprimé et un second avertissement, tout ce qui crée la division parmi le peuple, éloigne, sachant que cet homme-là ne sert pas Christ, mais il est perverti. C'est ce que la Bible déclare dans ce titre chapitre 3. D'accord? Donc vous savez, comment savoir qu'il a créé le trouble, il a créé la division. Vous allez observer que ceci n'est pas aligné avec la parole. Ceci n'est pas aligné avec la parole. Maintenant, là, il faut qu'on donne la sanction. Chapitre 6. Écoutez très attentivement, je vais lire, c'est pas le sujet, je vais seulement répondre à la question brièvement pour dire que les gens ne peuvent pas faire comme ça. Si c'est comme ça, la personne qui te dit ça, si c'est un pasteur qui te dit ça, dis-lui que tu n'as pas le droit de prêcher. Parce que quand tu prêches à la foule, tu dis que vous êtes ici, vous êtes des sorciers qui étaient venus à Jésus, tu viens de le juger. Amen. Tu viens de le juger. Pourquoi ne pas le laisser faire sa chose et que Jésus lui-même vient lui dire? Pourquoi ne pas le laisser faire sa chose et que à la fin du temps, Dieu lui dit que tu étais sorcier sur la terre? Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand tu dis à quelqu'un de quitte telle voie, venez ici, tu viens de le juger. Tu veux de l'amener à savoir qu'il faut que tu changes de cap. Par conséquent, tu as jugé que sa voix n'est pas bonne. Et tu as donné la réponse en disant que c'est ce qui est bon. Donc, tu t'es établi en juge au devant de lui. C'est ça le gros problème. Hein? Amen. Ok, allons-y alors maintenant. Verset chapitre 6, je vais dire à partir verset 1. Quelqu'un de vous, on parle de chrétien, lorsqu'il a un différent ça veut dire problème, avec un autre, donc ça veut dire qu'on parle de la situation où un chrétien avec un autre chrétien a un problème. Par exemple, un pasteur peut prêter l'argent à une soeur et qu'ils ont des tensions pour pouvoir résoudre ce problème. Regardez bien. On dit, avec un autre, ose-t-il plaider, donc aller avec ce problème-là, devant les injustes. Donc, on veut dire que sur la terre, il y a vous, et il y a les injustes. Il a dit que le frère, si par exemple le frère Landry et le frère William, ils ont par exemple indifférents. C'est ce qu'on va expliquer là-bas. Au lieu de résoudre entre nous, on va porter plainte au commissariat. On nous voit au tribunal s'asseoir. Comme j'étais aujourd'hui au garage, j'ai sorti de la route pour aller prendre la voiture. pour aller prendre le taxi. Le mécanicien qui était là, il me disait que comme c'était dimanche, il m'en va à l'église. Il dit que ton église est où? Il dit que voilà ça en face. Vous savez, en Bédi là, à Santa Rosa, il y a un truc là en route là qui n'est pas fini. Mm-hmm. Il dit que le il guette parce que c'est pas terminé, c'est délabré. Il ne savait pas qu'on faisait le cul là-dedans. Il dit que c'est eux qui. Je reste seulement, ça vient me trouver. Et il me dit, le pasteur, il bouge la tête comme ça. Il dit que le pasteur qui était là, on avait scellé. Il dit, on a fait comment? On avait scellé. Il dit, c'était sorti de ma canal 2 mm-hmm. et qui non, c'est autre là-bas, que le pasteur avait bagarre là-bas. Et le pasteur mm-hmm. qui était là-bas, on avait affecté, il avait dit qu'il devait venir, il devait partir. Vous êtes au courant de ça? Oui, oui, oui. Moi, je suis dans quel pays? C'est dans ma ville là. Donc, il m'expliquait ces choses-là. Il dit que c'était scellé. J'étais à Sodu. Il dit que le pasteur qui était là était cupide. C'est lui qui dit que, il dit que Dieu me pardonne, je ne juge personne. J'ai dit ça parce que vous avez pris cette dose. Il dit que Dieu me pardonne, je ne juge personne. Mais le pasteur là était cupide. Il aimait trop l'argent. Apparemment, je ne sais pas qu'on ne connaît pas l'histoire. C'est aujourd'hui qu'il m'a raconté ça. Il dit qu'on l'a affecté. Il a dit qu'il n'est pas. Il a signé lundi là-bas. Il a fait. Voici par exemple un exemple de ces choses-là. Apparemment, on a affecté un pasteur là-bas, il vient prendre fonction. Celui qui, d'abord que l'affectation des pasteurs, c'est un problème. Où est-ce qu'il veut aller dans cette société-là maintenant? Maintenant, mais prenons un exemple. Supposons que c'est le problème là-bas. Ils ont un problème d'intention. Mais voilà le commissariat qui est venu. Voilà Equinox qui est venu. Voilà le sous-préfet qui est venu. Le sous-préfet qui est un franc-maçon, bien un franc-maçon. Celui qui va venir dire que non, votre église, si on ferme pour voir le problème qui est entre vous, il faut résoudre. Quand le prophète va, ils vont les mettre au tribunal, on dit que c'est toi qui as raison. C'est ce que l'apôtre Paul dit que lorsque vous avez les différents, vous allez devant les injustes. Ce dont l'église ne fait aucun cas. Il dit, et non devant les saints. Regarde bien. Il recommence maintenant. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints dans notre problème? Quand tu as un problème avec un chrétien, tu dois le résoudre de manière créée. C'est avec les chrétiens que tu dois résoudre. Alors maintenant. Si toi tu as un problème, je vais te prendre un exemple simple, et que tu ne pouvez pas vous entendre, vous pouvez inviter le frère Christ Victoire, vous asseyez. Le Christ Victoire doit faire le jugement. Tu comprends ça? Pourtant, on a lu tout à l'heure dans celui qui chapitre 6, verset 37, et le marché chapitre 7, là, que ne jugez point. C'est dans un autre cadre, il y a une signification pourquoi l'Église a dit, parce que voici la règle à l'Église. On a interdit à l'Église d'aller faire le jugement à l'extérieur. Faites le jugement à l'intérieur entre vous. Tu vois ce dans l'espace? Maintenant, alors ça veut dire que quand un pasteur est en train de vivre dans l'iniquité, c'est mon devoir de lui dire que tu es dans la voie de l'iniquité. On va voir ça ici là, tout à l'heure. D'accord? Regardez. Verset 2. Ne savez-vous pas que les saints, c'est-à-dire les chrétiens, les saints jugeront le monde? Donc, comme je prêche là, on prêche partout, les gens prêchent partout, les gens refusent. Tôt ou tard, ils vont s'asseoir parce que quand Jésus va s'asseoir sur son trône, les trônes seront assis. Chaque groupe va passer. Vous allez voir la personne que vous avez refusée sur la terre. Vous présentez la même parole que vous avez rejetée. Là-bas, il n'y a pas de reconnaissance. Hey, toi, sur la tête, tu m'avais donné le portable. Un jour, tu m'avais quand même donné le CD. Tu avais fait comme ça, là. La parole, c'est, qu'as-tu fait de la parole que tu as écoutée? Et si tu as rejeté la parole, Jésus a dit, tu as rejeté la parole va te juger. C'est la parole que tu as rejetée qui va venir te sanctionner. C'est terrible. Ne savons pas que les saints jugeront le monde. Et si ce n'est pas vous, c'est-à-dire vous les saints, que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements. Donc, dis à ton voisin, les saints doivent rendre les jugements. Alléluia. Amen. Continuons, regardez encore. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Donc, les chrétiens vont juger les anges. Amen. Vous savez ça, frère? C'est qui? C'est qui n'est pas vrai? Ok, maintenant, continuons. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Donc, si nous allons juger les anges plus tard, c'est les choses de cette vie qu'on n'a pas jugé. C'est ce qu'il a écrit là. Continuez, regardez bien. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, dans les problèmes terrestres, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. Vous voyez ce que la propre dit? Je le dis à votre honte. Donc, si un chrétien porte déjà plainte à un autre chrétien, c'est clair qu'il vient de quitter le plan. Il dit, je le dis à votre honte. Mais vous voyez un pasteur qui a proposé porter plainte contre un apôtre qui a entraîné en justice un autre ancien. Et les mondains sont là comme ça. Je rends grâce à Dieu pour un pasteur, un gendarme, ce qui est un pasteur qui a amené un fidèle parce que la fidèle faisait les lignes, ou les lignes, elle vendait les pains ou quoi. Le pasteur lui a pris de l'argent, après il ne l'a pas donné. Après le pasteur a dit que, va te plaindre là où tu veux. La femme aussi, fâchant, allait plaindre à la gendarmerie, ils sont passés là-bas. Le gendarme a dit que, ouais. Qui m'a établi juste vos choses. C'est entre vous les chrétiens. Allez juger ça entre vous. Amen. Mais c'est une honte, c'est une leçon là. Gendarme dit que je ne peux pas écrire ça dans les plaies. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voyez ce que ce gendarme peut faire? Ça, c'est un mondain. un quelqu'un, donc comme la Bible dit que dans l'église ne fait aucun cas, il dit que pasteur, sur votre droit, allez avec votre fidèle, vous entendre. Qu'est-ce que fidèle veut le dire? Qu'est-ce que Dieu a dû passer par là pour leur dire? Ne venez pas livrer le nom de Jésus-Christ dans un scandale, un spectacle. Ils ont continué ici. Verset 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, n'y a-t-il parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères? C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un vous vivez dans le différent, au-delà, je suis en droit de vous appeler frère, que ce soit n'importe où, c'est pas seulement vous ici. Quand je te dis chrétien, que tu sois chinois ou bien n'importe quoi, dans n'importe quelle partie du monde, quand tu as l'iniquité, c'est mon devoir parce que nous sommes dans le même corps. C'est mon devoir. En tant que chrétien, il n'y a pas noir, blanc, ceci, il n'y a pas ça, camerounais, ivoirien, quoi, centrafricain. Il n'y a pas ça. Chrétien, c'est chrétien. Amen. Amen. Amen. Donc, puis il dit ici, mais un frère plaide contre un frère. Et cela devant les infidèles. Oui, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Donc, il y a deux volets. Un, il veut dire normalement même, les chrétiens ne doivent pas avoir de problème entre eux. Parce que la main n'a pas de problème, comme vous avez suivi là, la main n'a pas de problème avec les yeux, ni avec les pieds. Ils sont en harmonie, pas vrai? Il dit, il y a certains défauts chez vous que d'avoir des procès les uns les autres. Il dit maintenant, ok, maintenant, on peut tolérer encore que ça arrive. Quand ça arrive, vous avancez encore, après avoir eu des procès entre vous les uns les autres, vous allez encore devant les infidèles. On ne devra pas faire cela. Puis il dit ici là que, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous plutôt dépouiller? Donc ça veut dire que le frère Landry a un problème avec le frère William. Il sait que s'il se lève, ça risque de compromettre l'amour. Ça risque de compromettre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il préfère subir l'injustice en attendant que le Dieu juste vienne juger entre eux. Et si vous êtes dans le même corps, vous montez, vous descendez. Si tu as essayé de faire devant les hommes comme si tu avais raison et que la circonstance semble te donner raison, tôt ou tard, le Dieu de justice va revenir là-dessus. Sinon, il va te juger à la fin du monde. Or, il est à la fin du monde, on ne doit plus participer au jugement. Donc, par conséquent, il va te traiter sur la terre ici. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Chapitre 5, alors chapitre 5, là. Quand on chapitre 5, je touche à côté, là. Non. Regarde. Vous allez suivre maintenant. Il vient à partir du verset 6. Beaucoup, vous voyez. Parce qu'en fait, il y a deux blocs ici, là. C'est comme c'est divisé en chapitre 5 et chapitre 6. Il y a deux blocs. Le problème commence depuis le chapitre 5. Ce qu'il a dit au chapitre 6 commence depuis le chapitre 5. Il y a un problème qui s'est posé. Il a de vouloir expliquer cela. C'est pour ça qu'il a au chapitre 6 amplifié ça au milieu de l'église. Donc, en train depuis le chapitre 5, lisons doucement à partir du verset 1 même. D'accord? On va comprendre pourquoi au verset 6 il a dit cela. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Vous avez vu cela? Une impudicité telle que ça ne se nomme même pas chez les païens. C'est au point où quelqu'un a la femme de son père. C'est terrible. Donc, dans cette église-ci, un père qui était parent pour gagner, un fils prenait la femme de son père. Ils vivaient ensemble tranquillement. Ça ne dérangeait personne. L'apôtre Paul dit que mince, ça c'est de l'impudicité. Donc même, il dit que ça ne se nomme même pas chez les païens. Donc chez les mondains, ceux qui sont de l'extérieur, vous dites que vous êtes chrétien. Mais vous vivez dans ces genres de styles de péché. Comme même dans le monde, ça ne tolère pas. Les mœurs du monde ne tolèrent pas ça. Que un père a son femme, tu viens coucher avec aussi la même femme. On dit que dans le monde, ça ne se tolère pas. Il dit qu'au milieu de vous, ça se trouvait. Au verset 2, il dit, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous voyez cela? Puis il dit ici, verset 3, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà souligné. Il a déjà fait quoi? Mais n'est-ce pas, c'est écrit qu'on n'a pas jugé. Mais il lui a dit, fait quoi? Il a déjà jugé. Il vous a dit que vous montez, vous descendez journalement, vous exercez le jugement. Tu dis ce matin comme ça, là, il y a le riz à la maison, il y a le coquille, il y a le bongo. Et préparez quoi aujourd'hui? Vous jugez le riz. Vous décidez que vous ne pouvez pas recueillir le riz. On t'a préparé la semaine dernière. Vous jugez sur le nolet. Vous venez faire quoi? Le jugement. Il dit que pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Donc il a jugé déjà celui qui a commis un tel appui dans l'ascension. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Je vous ai dit que si quelqu'un commence à faire pécher ici sur la terre, si, il monte, il descend, il sera sanctionné. Sur la terre, il sera sanctionné. C'est pour ça qu'il dit il faut que pour son esprit soit sur le jugement. Parce qu'il ne faut pas qu'il aille en enfer avec les autres. Donc il va être frappé sur la terre. Maintenant, puis il dit c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Parce qu'il a dit aujourd'hui qu'on l'a vu qu'il était enflé d'orgueil. Comment vous êtes à l'aise avec quelqu'un qui est au milieu de vous, qui pêche comme ça? Il dit pour moi, il a de l'ascension. Il dit, vous glorifiez. Il dit, c'est donc, c'est bien à toi que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Pour ceux qui font la farine, on prend un peu de ce qu'on appelle his. On met à l'intérieur, ça fait gonfler la pâte. Puis il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre pâte, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux, du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la purité et de la vérité. Donc, le chrétien, il faut la purité et la vérité. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Vous avez vu cela? Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul a de dire? Vous êtes en classe, par exemple, ou bien dans la famille, ou bien n'importe où. Vous voyez les gens, vous montez, vous descendez, l'impudicité partout. Vous avez des amis qui ne croient pas au Seigneur Jésus, qui vivent avec les filles, des parents, ils sortent avec les filles, parce que c'est une règle. L'apôtre Paul a dit que quand il a écrit dans sa lettre de ne pas avoir des relations avec les gens qui sont impudiques, il a dit qu'il ne parle pas de manière absolue, qu'il ne faut pas que vous viviez avec quelqu'un qui est impudique, parce que tu montes, tu descends, tu pourrais être dans la maison et ton frère est impudique. Vous êtes dans la même maison. Tu vas faire comment? Donc tu ne peux pas te séparer. Donc il a voulu la rectifier pour que les gens ne comprennent pas mal ce qu'il a dit. Et comme il a voulu la rectifier, c'est aujourd'hui, on a voulu plutôt dire ce qu'il n'a pas dit. Il a de rectifier donc qu'il ne dit pas qu'on est de manière absolue, qu'on quitte le monde pour fuir les gens. Donc, c'est pas ce qu'il a dit suivant. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non, pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc il veut dire en fait, on ne peut pas les fuir. Ils sont tous dans le monde. Tu es au travail, ton collègue est cupide. Tu vas le fuir. Parce que tu vas fuir ton travail à cause de lui. S'il vit avec les femmes, ce sont trop. Problème, mais voici ce qu'il a dit. Il veut parler, dit que dans le monde, on ne peut pas esquiver cela. C'est pour ça que Jésus a dit que vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Donc, dans le monde, vous allez les côtoyer. Mais ne fonctionnez pas comme eux. D'accord? Maintenant, verset 11 dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Donc, il a éclairci exactement ce qu'il voulait dire. Donc, il a dit, le danger semble l'église. Donc, à l'aumônier de l'église, il faut être intransigeant. Voilà, pour pécher. Parce qu'on a fui le monde parce que le monde était impur. Vous venez dans un corps qu'on appelle le corps des saints. Et si le corps des saints, on ne doit pas tolérer des choses. Parce que c'est ici par la parole. Et donc, on ne doit pas tolérer ça en milieu chrétien. Il dit donc, mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. On dit que lui, il dit qu'il est frère. On dit. Est impudique, c'est terrible, c'est fracassant. C'est pour vous comprendre pourquoi il a expliqué ça en Babylone. Regardez, puis il dit ou cupide, donc quelqu'un qui aime l'argent, il aime l'argent, ou idolâtre, ou outrageux, donc quelqu'un qui crève chaque fois, ou ivrogne, donc quelqu'un que tu vois, un frère, il te parle comme ça, ses yeux font comme ça, comme pour un soulard qu'il a là, hier soir, il a bu, il a mis le parfum sur lui pour que ça enlève l'odeur de l'alcool. Maintenant, il dit ici ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Regardez bien le verset, le dernier volet. De ne pas même manger avec un tel homme. Ça, c'est l'église. Alors, vous voyez que le fait que l'évangile n'a pas été bien prêché ou bien n'a pas été bien compris par beaucoup de personnes ou bien les pasteurs mal intentionnés ont pris des tournées pour pouvoir faire de l'argent, on fait des tests dans des familles et on a créé des divisions. Donc, quand tu crois, ton frère est sorcier, ta mère est sorcier, ta mère qui t'a fait grandir jusqu'à ce que tu as peut-être 30 ans. On te dit maintenant qu'il est sorcier. Il est sorcier, ça fait quoi? Dieu a demandé de rejeter les sorciers là-bas. Il n'avait pas dû prier pour vos ennemis. On dit que c'est ta mère qui bloque ta destinée. Donc, elle a pris les peines de te porter 9 mois. Tu as grandi, tu as donné la nourriture. Tu as allé en classe. Elle pas chaque fois. Tu as rentré, elle a préparé la nourriture. Elle ne peut pas donner le poison pour que tu meurs. C'est quand tu es grand, jusqu'à tu vieillis comme ça, qu'il veut te tuer. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les gens. Vous voyez cela? Donc, les pasteurs dont on divisait les gens en disant, celui-ci est comme ça, ta famille c'est comme ça. Si tu vois ton grand frère, s'il te salue le monde comme ça, il te regarde comme ça, c'est que son chat passe, c'est que c'est un sorcier. On a donc divisé les familles comme ça. Or, la Bible nous dit qu'il faut qu'on soit témoin au milieu d'eux. On soit témoin au milieu d'eux. Après, l'apôtre oriente dans la pro, là où il faut la séparation. La séparation, justement, c'est ce style de personnes qui peuvent servir à la prédication qu'il faut s'enfuir. C'est ce qu'il a dit. Voilà donc ça. Donc en réalité, au lieu que les gens fuient leur famille, ils doivent plutôt fuir ce style de pasteur. Amen. Puisque la Bible déclare que ceux qui sont outrageux, ceux qui créent les divisions, c'est eux qu'il faut fuir. Après, quelqu'un va te dire, mais quitte la famille, quitte ton parent. Elle est marabout, il est marabout, il est marabout. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Jésus entre, il met la séparation, les tensions dans la famille avec la vérité. Mais ce n'est pas un pasteur de dire que quitte ton frère. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas chrétien. Mais la Bible nous dit de façon claire, c'est un commandement, que si tu t'assois sur une table, tu manges avec un frère qui est impudique. Soit tu dis que non, je ne vais pas juger, comme on dit là. Je ne le juge pas. C'est sa vie. Dieu ne demande pas ton avis. Il dit que si quelqu'un se dit qu'il est chrétien, s'il ne vit pas comme ça, il faut l'éloigner. C'est ce que la Bible déclare. Puis verset 12 maintenant conclut. Verset 12 et 13. Regardez bien. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ceux du dehors, ce sont ceux du monde. D'accord? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Souligner. C'est mon verset 12. Il dit, qu'ai-je à juger ceux du dehors? Donc, mon jugement. Donc Dieu n'a pas donné aux chrétiens l'autorisation de juger les mondains. Pas pour l'instant. Sur la terre, nous devons servir des témoignages, premièrement. Le jugement par rapport à eux viendra après. Mais le problème maintenant, c'est qu'au milieu de l'église, les gens veulent avoir les imitations mondaines. La Bible dit qu'il faut que ces choses-là, on juge, pour que plus tard, on n'ait pas à être jugé avec eux. C'est pour cela. Il dit donc, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Verset 13, il donne l'ascension. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Quant à vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est clair ça, frère? Que Dieu vous bénisse. Prochaine question. C'est merveilleux, pas vrai? Ouais. Mm-hmm. Donc, si vous êtes ici, et vous avez eu à taxer quelqu'un de la famille des sorciers et autres là-bas, faites attention, il y a un jugement derrière. Si, c'est parce que vous, si vous regardez dans le spirituel, et que vous voyez ce que Dieu fait, la Bible déclare que Dieu est le Dieu des esprits. Donc l'esprit des sorciers appartient à Dieu. Quand un homme meurt, son esprit retourne à Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Donc si vous dites que quelqu'un est sorcier et que la nature qui est en cette personne n'est pas sorcier, vous venez de transformer une personne que Dieu a créée en sorcier. Il faut la repentance. Donc si vous avez dit à quelqu'un que tu es sorcier, vous pouvez d'appeler la personne et dire, je te demande pardon, je t'ai traité de sorcier, veuille me pardonner pour que ça rende la situation, régler ces problèmes. Oui, s'il n'y a pas de question, on entre ici dedans. Mais ça, ce sont mes collègues pasteurs qui font de telles choses. Que dans ta famille, tu tous les sorciers, tu cries parce que la sueur sort sur toi, tu crois que c'est la sueur du combat spirituel. C'est pas, dis à ton voisin, c'est pas la sueur du combat spirituel. Ce sont les excitations musculaires qui produisent tout naturellement la chaleur. Voilà. Donc le fait que tu pries, la sueur coule, ne veut pas dire que tu pries trop. Parce que quand tu fais, vous marchez là pour entrer ici, vous sentez la chaleur, non? Je sens Nicolas la chaleur, j'ai fait des excitations pour prier. Donc quand le muscle s'excite, tout naturellement, ça produit la chaleur. Amen. Donc, après, tu dis que, après, quand ça, on tourne, on dit que donner les enveloppes de ceci. Donner l'offrande sacrificielle pour que votre sacrifice Dieu. David a dit qu'il va donner, il faut donner quelque chose qui lui coûte cher, qui lui fait mal. Donc, donne juste parce que tu as mal sur ta poitrine gauche. Donc, faites attention. Faites attention. Le Seigneur Jésus nous a donné une règle. Priez pour vos ennemis. D'accord? Bénissez. De donner pour déclencher le miracle. Donner pour déclencher le miracle. C'est ton père qui te tue, le combat, tu le tues. Donner une offrande qui va déclencher. Qui va déclencher ton miracle. C'est pas si vous êtes ici. C'est pas si. Pourquoi Jésus n'avait pas dit à la veuve de rentrer avec? Pourquoi je n'ai pas dit à la veuve de rentrer avec son offrande? Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de. C'est pas à Jésus qu'on a donné. Il oublie de dire que c'est pas à Jésus qu'on a donné. Je ne sais pas, je le souhaitais vous montrer. C'est pas où ça se trouve. C'est nos frères, si j'ai l'impression qu'il a le pouvoir de le pasteur parce que j'ai entendu, il a dit exactement quelque chose qui est écrit sur les enveloppes ici. Les enveloppes du pasteur, je reste toujours, c'est un chrétien qui veut me donner. Il dit qu'il a pris l'engagement devant un pasteur. On a dit qu'il donne les dîmes pour déclencher les miracles. C'est écrit comme ça là-bas. On appelle ça les dîmes prophétiques pour déclencher son miracle. C'est écrit là-bas. On met le prophète. Que même quelque chose à l'intérieur. On parle aussi d'offrande sacrificielle. Ça veut dire quoi? Il nous complique le français là. Offrande sacrificielle. C'est-à-dire, pendant que le pasteur est en train de prêcher, oui. Il entre donc dans la phase de prophétie. Oui. et que pour cette prophétie s'applique dans ta vie, il faut que tu donnes. Il faut une offrande sacrificielle. Si c'est pas pour sceller, pour sceller. Oui. Voilà, voilà le mot. Bon, bon, puisque tu as un cas typique, tu as déjà scellé combien de fois hein? Et je vous dis en vérité, je n'ai jamais participé à ce. Quand tu voyais, qu'est-ce qui arrivait? Ça faisait mal au cœur. Ma vie chrétienne est parsemée de beaucoup de questionnements. Mmh. Parce que je ne sais pas, Dieu m'a doté d'un esprit. Et qui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est faux, qui semble sortir du couloir, mmh, je ressens ça très oui, rapidement. Et il y avait aussi que là-bas, on ne permettait pas de poser les questions. Mm-hmm. Quand tu sens que c'était peut-être quelque chose qui est sur la cloche, oui, on ne te donne même pas l'occasion de poser les questions. Poser les questions. On alors, vous en veut. Tu sens qu'ici, oui, ça nous va. Et quand même tu veux, tu poses. On est dans mm-hmm. Oui, même les chrétiens qui sont tes frères en Christ, autant pour moi, lorsque le pasteur dit quelque chose qui semble vraiment être flou. Si tu peux te retourner vers ton frère en Christ et demander que franchement, il m'arrive souvent de parcourir du regard la Bible et je n'ai trouvé nulle part mentionné ce que le pasteur est en train de parler là. C'est lui-même qui va d'abord se retourner contre toi, donc il devient immédiatement ton ennemi. Alors que vous retrouvez dans la même situation. Donc lui maintenant il joue immédiatement le rôle d'avocat, oui, et voulant montrer qu'il aime tout le pasteur. Pasteur, mm-hmm, toi tu es derrière le diable. Il sent que si vous laissez la soirée, si vous allez me déchirer le pasteur là maintenant bien. J'en ai le cœur plein, mais je me réserve. Donc, réserve-toi. Un de ces jours, on va s'asseoir, il veut dire que verser ça pour vous libérer. D'accord? Dans l'essai des années pasteurs. Elle en sait beaucoup puisque c'est avec elle que je partage beaucoup de choses. Oui. Et peut-être tu lui as dit certainement parce que dans quand les gens suivent Dieu, tu regardes souvent, il y a une personne qui va toujours faire permettre une personne ait la vision plus claire. L'autre ne comprend pas. C'est donc, pas elle qui a manifesté ça, mais elle-même aussi, elle me faisait remarquer certaines choses. Que si c'est pas bon. Se partage, mais vous partiez toujours parce que vous n'avez pas le choix. Nous partons dans le sens de recevoir la parole. Oui. Parce que, comme je vous le disais déjà dans une de nos causeries, oui, si vous avez encore la mémoire fraîche, vous avez dit que finalement, avec tout ce qu'on observe maintenant dans les églises comme dérapage, mm-hmm, on ne sait même plus exactement où trouver la Bible. Mm-hmm. Parce que la Bible dit, là où deux, trois sont réunis en mon nom, moi-même je me trouve là. Comment est-ce que vous partez à l'église? Vous vous dites que c'est le lieu approprié pour mieux recevoir la parole, mais vous vous rendez compte que c'est le lieu où les gens se réunissent pour se moquer de Dieu. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi chaque fois il dit, j'ai réité ce que j'ai dit, je vais réiter encore maintenant. Les écoles bibliques, c'est une école d'asile de faux, pour former le faux, pour relâcher dans la nature. Parce que le problème, ça sort depuis là-bas. C'est là où on les pervertit, chacun part reproduire les mêmes choses. Dieu ne donne pas l'opportunité à chacun de dire n'importe quoi ici dans sa parole. Mais malheureusement, c'est ce qui est là. Donc, on va résoudre ce problème-là, Dieu voulant, d'accord? Il y a un cantique qu'on chante. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Je prends ce cantique là pour dire que en réalité, quand les gens, si les gens méditent véritablement, ils vont savoir qu'ils ont déraisonné. Comme tu as dit tout à l'heure, quand ils défendent le pasteur, et le pasteur est dans le faux. Et tu vois, comme par exemple, tu as du mal à trouver, par exemple, comme tu dis, l'église pour pouvoir faire quelque chose. Tu cherches. La Bible déclare, et dans ce cantique déclare, Jésus est l'ami fidèle. Donc c'est plutôt lui. Comme il est fidèle, les gens peuvent déraisonner n'importe comment. Jésus ne peut pas changer. Et Jésus ne descendra plus jamais sur la terre pour changer sa parole, pour adapter à ce système-ci. C'est ce système-ci qui doit se changer pour se conformer à sa parole. Donc, pas que, comme les gens sont dans le dérapage, Jésus va comprendre que, comme il y a le dérapage, on va faire avec ceux qui sont les plus meilleurs. La Bible déclare, saint, irrépréhensible, sans tache ni ride. C'est la marque déposée de son église. Donc, ajoutez quelque chose et vous allez voir ce qu'il en est. En tout cas, tôt ou tard, quand on va quitter cette terre-ci, les gens vont en découdre. Il veut finir ma mission, il veut partir. Certainement, j'ai ma place réservée et personne ne prendra cela. Quand je reste atténuer ma couche, je partirai parce qu'il sait que le Seigneur m'attend. Il m'a dit, sois fidèle, dis la vérité, conformément à tout ce qu'il t'a montré. Sois fidèle, je te donnerai de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Je vais manger cela. Amen. Et donc, je serai là-bas. je vais finir ma course, je vais partir. Mais cette voix que vous écoutez sur la terre, ça va terroriser les gens de ces jours. Cette voix. Alors on va dire, c'est que, il dit, je sais que vous êtes gonflé à bloc contre le pasteur. Il ne faut pas que vous confondez moi et le pasteur. Vous me tapez ici que c'est moi. Je suis le collègue. Non, il dit, mais c'est qui l'a déposé, ça qui est écrit là sur le tableau. Oui. Et ça, c'est la parole qu'il m'a adressé. Vous voyez, Dieu, il dit bien Dieu. Donc vous voyez, ces choses-ci, ce sont les choses bizarres de la vie que je n'aime pas raconter. Je reste à la maison comme ça, je sors de prier mon épouse, je lui dis que voici ce que Dieu m'a dit. Voici le ministère. Il peut citer mon véritable ministère. Que ceux qui ont les oreilles et les yeux pour voir exactement qui je suis et qu'on détecte cela. Dieu me dit, c'est seulement mon épouse et moi et Dieu qui connaissons exactement ce qu'il a donné. Je reste tranquille. Un garçon sort, un artiste, il reste tranquille dans son bureau. Il reste tranquille. Dieu lui dit que prends ta plume, écris. Il prend, il écrit ça. Il met dans le carton, il m'emballe. Il vient me donner que c'est très jeune, c'est Dieu qui a écrit ce qui est dedans. Je sors, je regarde, je suis étonné. Ma femme dit que mais certain, ça c'est ce que Dieu m'a dit là. Oui, il m'a dit à quelqu'un que Dieu vient. C'est pour ça que mon tableau est là. Quelqu'un croit peut-être que c'est moi qui suis allé passer la commande à un artiste qui a écrit moi ça. C'est lui-même qui a pris sa plume, écrit là-bas, venir me donner. Et c'est ce que Dieu m'avait dit en secret. Il a écrit exactement ce que Dieu m'a dit. Comment ces garçons se partent pour savoir que c'est ce que Dieu m'avait dit que parce que j'étais envoyé pour faire. Il finit de mettre aussi, il met le nom à devant. Je ne vais jamais dire que frère, fais aussi comme ça parce que je ne m'occupe pas. Tout ce que je sais, c'est bavarder. Voici mon âme. Je sais seulement bavarder. Il bavarde. Alors, il fait, voilà, l'autre a écrit sur le tableau, venu donner, la parole de l'Éternel m'a été adressée. C'est un fils de l'homme, lève-toi, va et va. Dis-le tout ce que tu auras reçu de moi. Sois fidèle jusqu'à la fin et je te donnerai du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Il a fini. Il dit bien, la personne si a écrit ça sans me consulter. En fait, il a apposé dans le carton emballé. Et ce que Dieu m'a demandé de te donner. J'ouvre le carton, c'est encore quoi qu'il se dit, je vois, il lit. Il déposait à ma femme, on allait à la chambre, on m'a remercié le Seigneur. Le frère ne sait pas ce qui se passait. Lui, il peut dire pendant que je suis artiste, mais il ne sait pas. Je lui ai jamais dit, quand il lui cela, je l'ai regardé. Il dit, frère, comment tu as fait pour mettre le verset c'est... Il laisse-moi comme ça, il a prié, que Dieu me donne le verset, il met là-bas, il a aussi mis ça comme ça. Il reste moi tranquille. Il lui a jamais dit que ça me concerne. C'est mon époux seulement qui connaît cela. Mais je ne dis pas ça dans le monde. Parce que si les gens voient ce qui est là-bas, ils vont savoir qui je suis. Je ne veux pas que quelqu'un sache qui je suis. Je ne veux pas ça. Je veux que vous regardiez au-delà du voile de la chair. Je veux qu'on regarde au-delà de cette histoire-ci-là. Vous savez, un essai de Jésus s'est tenu là-bas. Lisons cela dans la Bible. Jean chapitre 7. Jean, le chapitre 7. D'accord. Regardez, si vous êtes, vous avez ouvert, je lis. À partir du verset 40. 40, regardez. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. C'est Jésus qu'on a appelé comme ça. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Donc, Dieu a mélangé ça dans les Écritures comme cela. Celui qui disait que c'est le prophète, il a aussi raison. Ceux qui disaient que c'est le Christ, il a aussi raison. D'autres disaient que est-ce que c'est à Galilée, il a aussi raison parce qu'il était galiléen. D'autres disaient que c'est le possédé de David, il a aussi raison, c'est le possédé de David. Donc tous avaient raison, mais ils étaient en embrouillé. Puis il dit, il y a eu donc à cause de lui division parmi la foule. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus étant dans le... Il est là comme ça, Dieu. Dieu venait dans le chair humain, il se trouve là comme ça, il parle. Là, Jésus connaissait qui il était. Il s'est tenu devant où il parle. Ça les embrouille, ça les embrouille. En fait, au chapitre 7, là, comme j'ai envoyé, ils vont envoyer les huissiers aller attraper Jésus à l'autel. Les huissiers vont entendre, arrêter là-bas, ils s'assoient, ils entendent. Ils entendent Jésus qui parle. Ils rentrent encore vers le pharisien. Le pharisien dit, mais vous n'avez pas appris à attraper le type là. Il dit, non, jamais on n'a parlé comme cet homme. Donc, ils sont allés écouter la prédication. Ça les a embrouillés. Ils ont dit, mais c'est pas, le type là, ce n'est pas un être humain normal. Jésus qui bavardait seulement par sa bouche. Ça entrait dans le cœur. Pour d'autres, dire que c'était un sataniste. D'autres, dire qu'il est égal à mes tutus. Alors, attends, rentrons au chapitre 7, vous allez le voir là-bas. Regardez verset 12, chapitre 7. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. Ah, frère Junior, non. D'autres disaient, non, il égale la multitude. Yeah. Oh, Jésus n'a pas deux prédications. Vous restez dans la foule, il prêche, ça crée la division. Il prêche, ça crée la division. D'autres entendent. Il dit, d'abord, tu as suivi la prédication qu'il a dit avant-hier. Il a dit que si tu vois, vous allez manger ça chez boisson, ça, c'est pas un cannibale, ça, c'est un cannibale. Il conclut directement, c'est un marabout. Il part. Mais il reste en de temps, quelqu'un dit que tu on va aller où? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie et éternelle. Donc la parole qu'il a dit, son esprit est vie. Mais c'est pour d'autres personnes disent que c'est un égaré. Donc voilà. Verset 12, 13 dit, personne toutefois ne parlait librement de lui, donc ouvertement. par crainte des Juifs. Donc les Juifs avaient un instauré à terre. Que quelqu'un tente de reconnaître Jésus, ils vont comprendre. Les Juifs s'étonnaient, disant, mais bon, de toute façon, ce qu'il veut dire, c'est que ne regardez pas sur la chair, regardez ce qui se passe à l'intérieur et regardez la transformation que ça peut apporter. Les restaurations, ça amène sur le cœur. Observez Dieu à l'œuvre dans la parole. Et bientôt, quand les choses vont commencer à se passer autrement, que vous soyez à même de savoir que c'est Dieu. Parce qu'à un moment donné, Jésus, quand il est prêcher, des situations arrivent où il faut qu'il passe autrement en donnant des manifestations pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans les corps. D'une façon, il y a la prédication pour restaurer, pour amener les gens. Il y a des manifestations tangibles de Dieu, authentiques de Dieu, pour attirer l'attention des gens toujours. Mais il est obligé de se manifester par les miracles, par ci, par là. Mais au préalable, c'est la parole, parce que la parole manifestée restaure. La parole de Dieu manifestée restaure les âmes, réconcilie les gens avec Dieu, transforme les vies. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc quelqu'un va voir le tableau, il va voir peut-être que le frère Junior Ledenon a écrit de lui. Je ne suis pas le pasteur qui font qu'il faut que cette année-ci, notre année, c'est l'année des gloires. Ce n'est pas des choses. Quelle année? Dieu a dit quand Jésus est venu, ça a manqué la période de la grâce. C'est la période de la grâce. Un point, un truc. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Alors, quelle restauration? Quand Jésus est venu sur la terre, c'est la période de la grâce. Point final. Nous sommes sur la période de la grâce. Les lois intangibles. De quoi, maman? Il y a chaque mois chez nous, il y a. Les thèmes. Que ça, c'est ton mois de tangibilité. Restauration personnelle. Parce que chaque premier, premier, on a un culte. Premier, 5, 15, 6, 15. Opération d'évancer le diable. Je dis que si vous laissez produire, vous allez me finir parce que les déclarations prophétiques à l'église. Oui. Le mois, c'est le septième mois. Oui. C'est le mois où Dieu avait fait. Faire la terre, finir de faire, se reposer. Oui. Donc, ça, comme c'est le septième, on va se reposer. Et tout ce qu'on n'a pas pu avoir depuis janvier, ça va venir. On va s'asseoir. C'est pasteur qui dit que ce qu'on n'a pas pu avoir ces mois de janvier vont venir ce mois-ci. Dites-moi si je me trompe. En décembre, vous avez fait la nuit de la traversée, non? Vous avez fait la nuit de la traversée pour entrer dans vos bénédictions, non? Donc, vous avez entré dans vos bénédictions. Et c'est une Dieu qui avait déclaré. Vous êtes entré en décembre dans votre bénédiction pour janvier, pour l'année en cours. Le septième mois, comme ça n'a pas pu venir en janvier, pourquoi ça vient en septembre? Que tout ce qui devait venir en janvier, on n'a pas eu là. Ça va venir, Vous avez fait ça l'année dernière aussi, non? Oui, le septième mois, non. Dis à ton voisin que c'est le pasteur qui déraisonne. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Bienvenue, d'accord? Bienvenue. Le Seigneur Jésus-Christ avait déjà dit quelque chose. Il a dit qu'il est le chemin. La vérité. C'est lui qui est le chemin. La vérité. Donc, en réalité, vous savez, quand le feu de charbon veut s'éteindre, on fait pour attiser, pour que ça reste allumé. Vous avez des séquelles, des convoitises sur vos cœurs. Et le pasteur vous aide à attiser cela. Plus la puissance du Saint-Esprit puisse éteindre cela maintenant, afin que vous voyez la divinité manifestée. C'est ça, c'est la vérité. Quelque chose se trouve en vous, il faut qu'on vous entretienne ça. En janvier, il faut qu'on te trouve un thème pour te dire. D'abord, ce pasteur-là, s'il savait effectivement que le calendrier sur lequel il n'est pas le calendrier de Dieu, il saurait qu'on n'est pas au septième mois. C'est aussi simple que possible. Et si on n'est pas au septième mois dans le calendrier de Dieu, ça règle le problème. C'est un menteur. Juillet n'est pas le septième mois, nous sommes d'accord. Amen. Aha. Amen. Voilà. Janvier n'est pas le premier mois dans le calendrier de Dieu. Vous voyez que là, on en est. Décembre n'est pas le dernier mois, le 12e mois dans le calendrier de Dieu. Nuit de la traversée. Depuis l'année dernière, tu avais traversé, non? Puis j'ai traversé. Pour aller où alors? La deuxième année, tu traverses. L'autre juillet, là, j'ai attendu. C'est pas venu. Mais tu sais, parler pour le pasteur dans son bureau pour lui dire que mais, depuis que tu attends, il avait dit c'est pas venu. Quand on te dit que tu fais la persévérance, tu persistes. Et là, quand tu vas on vous avait demandé de s'aimer pour faire pour vous. Tu avais s'aimer sa semence, ça va pas repousser. Bon, mais restez à votre enquête pour les pasteurs. Vous avez pas. On va prier pour eux, d'accord? Vous riez, on rit comme ça. Tu vois que l'argent que tu as dépensé là-bas, ça pouvait te permettre d'avoir ton terrain. Tu sais, mais quelque part sur de bons terrains, tu vas avoir ton terrain. Voilà les offrandes qui souffrent. Les vœux partout qui souffrent, tu portes pas le donner au pasteur. Il prend ça. Après, il vient devant toi, il dit avec le micro que Dieu le bénit. En fait, il t'appelle Dieu parce que c'est toi qui le bénis chaque fois. Oui. Il faut de l'argent du terrain. Oui. Et le terrain, Dieu m'en a posé la question. Je dis que le terrain qu'on va acheter comme ça, c'est le nom de qui? Quand tu vas donner au bailleur, là, tu mets le nom. Et si l'église finit maintenant, le terrain, Le terrain revient à qui? Le terrain va revenir voilà. À qui? Alors, vous qui avez donc conçu, essayez pas rentrer là-bas avec sa famille, vous restez là, l'église n'existe. Un de ces jours, donc quand tu viens, tu déranges, on te chasse là où tu as contribué. Bon, de toute façon, c'est... Merci au Seigneur qui vous permet de comprendre la vérité. Puisse donc ceux qui sont dans le monde entier puissent comprendre cette même vérité et connaître qu'il est temps de s'accrocher au Seigneur. Donc, alors, donc, ça nous amène dans un autre thème, on va ce soir, pas bref. Si vous êtes d'accord, on va maintenant dans la Bible, on voit. C'est vous-même qui avez meublé cela, vous avez trouvé la solution. Donc, nous allons voir maintenant, chrétiens, prenez votre vie spirituelle entre les mains. Donc, d'accord. Avant d'en arriver là, est-ce que ce genre d'évangile ne cultive pas l'homme qui veut être à Christ, la cupidité et l'idolâtrie? Il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui se trouvent là-bas parce que prophétiquement, ça a été dit qu'il y a des gens qui vont aller dans l'égarement. Et par conséquent, ils vont soutenir, même si tu ne sais pas pourquoi, ils vont soutenir ces pasteurs. Il y a donc les chrétiens qui cherchent la vérité et qui se trouvent là-bas comme ça parce qu'ils ne savent pas quelle direction prendre. Par mégarde, ils se trouvent là-bas. Ce sont ces éléments-là, comme tu vois, comme quand ils vont s'asseoir là-bas, ils vont savoir que quelque chose ne va pas. C'est même quand on dit ça, les gens disent Amen. Les gens ouvrent la bouche, disent des choses. Les gens disent des choses. Quand les gens disent Amen, tu sens que quelque chose ne va pas, même si tu ne connais pas la vérité. C'est-à-dire que tu sais, tu es dans un milieu où on dit des choses, les gens absorbent n'importe comment, pour toi ça ne passe pas. Amen. Parce que la poule ne peut pas nager comme le canard. Même si elle fait n'importe comment. Comment? Et c'est ça mon problème. Voilà. Même si tu as fait, même si tu essaies de faire comme les autres, ça ne peut pas marcher. Parce que tu n'es pas quelque chose en toi témoin que c'est faux. Même si tu ne connais pas la vérité. Maintenant, le jour où tu t'es saisi de la vérité, ça remplit le vide qui était là-bas et qui comblait, qui cherchait. Tu dis, waouh, je comprends maintenant pourquoi il ne parvenait pas à accepter telle chose. Donc, c'est pas que les pasteurs, la Bible déclare que, dans 2 Pierre chapitre 2, qu'il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura, dans une prophétie, parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruse soudaine. Plusieurs les suivront. Donc, c'est prophétisé dans le plan de dire que plusieurs suivent. Si tu es parmi les plusieurs, tu vois sauf que partie. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est ce qui est écrit, non? Donc il y a des groupes de personnes qui vont suivre le faux pasteur. On a dit que c'est plusieurs. Donc quand le pasteur va dire, pasteur, dis-nous, tue-nous. Il dit, ton voisin qui est à côté de toi, s'il n'arrache pas sa bénédiction, arrache même sa part. Regarde la compétition d'arrachement des bénédictions au milieu de l'église. Vous voyez cela? Si ton voisin dort, arrache même sa bénédiction. C'est pas ça, frère? Voilà. Oui, je voulais répondre aussi à mon frère ici. La question qu'il a posée. J'ai dit le premier, quand nous sommes allés à l'église. Il dit que les gens sont les jours de pasteur, donc laissons-les s'exprimer un peu. C'est 6h15 là. Pendant que je priais, il a demandé que depuis janvier restauré. J'ai prié, c'est ce que j'ai pleuré. J'ai dit que, oh Seigneur, je suis fatigué. Oui. Montre-moi le chemin. Je ne comprends plus, je suis fatigué. Tout le monde est prêt à abandonner. Je suis fatigué, je suis déjà fatigué. Ah, tu as appris que Dieu te montre le chemin. Oui, j'ai dit que j'ai dit au Seigneur que montre-moi le chemin. Si tous les jours, je sentais que ici, c'était pas tout. J'ai dit que l'année dernière, on a dit, voilà encore juin qui me trouve. Je n'ai pas de solution. Le premier, là, pendant qu'on priait, j'ai prié. Le lendemain, je l'ai rencontré. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Mais c'est même le même jour. Non. C'était le lendemain. Je l'ai rencontré. Tu prétises, montre-moi quelqu'un où il peut aller. Aujourd'hui, je suis fatigué. Non, c'était le même jour. C'est le même jour que tu m'as dit qu'il a dit qu'il arrive, qu'il va venir. Et il m'appelait chaque fois que vient chez moi, je me dis non. Le matin, il prend le téléphone, il dit qu'est-ce qu'il a appelé. Il dit, oh, il vient tout à l'heure. Il vient maintenant, il commence à nous la parole. Il dit que c'était différent. T'as dit carrément, amen, là où on parlait. Et il comprend que le Seigneur demandait qu'envoie-moi quelqu'un qui va m'aider. Ouais, et il est venu. Elle a dit que. Bon, allons-y doucement. Mais que le nom du Seigneur Jésus-Christ de façon soit glorifié. J'ai dit, la Bible déclare, je vais vous dire quelque chose, mais je vais citer quelque chose avant d'avancer parce que c'est toujours dans le même thème. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, la Bible déclare que nous, si nous marchons dans la chair, donc si nous sommes dans ce monde aussi, nous ne vivons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses et toute connaissance qui s'élève contre Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'arrive quelque part pour vous comprendre ce que le verset dit. Il dit que nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Qu'est-ce que l'apôtre a dit à l'église? Que tout ce que nous avons à faire, c'est de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous vivons dans la parole de Dieu, Dieu est prêt à déployer la puissance pour punir ceux qui combattent contre l'église. Le vrai problème maintenant, c'est dans l'église, c'est toutes les tâches de l'ennemi. Dieu ne peut pas défendre l'église dans ce cas-là. C'est ça, n'est-ce pas? Regardez l'église originelle, c'est-à-dire l'église primitive. lorsqu'il était persécuté, la Bible déclare que Saul, dans toute sa haine, entra dans les maisons pour amener Lia à Jérusalem, tous ceux qui invoquaient le nom du Seigneur. Les gens vivaient dans la pureté du cœur, la simplicité, l'amour. Ils vivaient. Quand on venait le persécuter, c'est Dieu qui a frappé pour la route. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais à l'église de Laodicée, qui est l'église de notre époque, Jésus-Christ dit que quand, je désire entrer dans l'église. Et il s'est retrouvé dehors. Donc l'église se réclame de Jésus. Jésus dit que je désire entrer. Comment désire-t-il entrer? La vérité veut faire place au mensonge qui s'est mise là-bas. Les gens refusent. On croit qu'on a dit comme ça que Jésus veut pas comme, mais voici. C'est pas comme ça. Il révèle c'est la vérité pour qu'on puisse y marcher. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit va venir chaque fois, il va seulement prêcher la vérité, il ne va pas se compromettre. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc il faut que la vérité soit établie. Donc l'apôtre pour l'ancien 2 Corinthiens, chapitre 10, dit, nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Et on va voir cela dans la Bible. Ça suppose donc que chaque fois que les chrétiens vont marcher dans, d'abord un, pour votre vie spirituelle personnelle, puisque nous sommes dans le thème, lorsque tu te rends compte, en voyant que tu obéis à la parole de Dieu, comme par exemple les gens me calomnient dans le monde entier, je ris seulement. Ils ne savent pas seulement ce que je peux connaître de ces paroles et de ce qui se passe dans le ciel. Lorsque tu as vérifié que tu n'as pas été reproché, lorsque tu as vérifié que tu fais exactement ce que Dieu t'a dit, si on dit n'importe quoi, garde le silence et observe ce que Dieu va faire. C'est tout ce que tu peux faire. Tout. On ne doit pas se défendre soi-même. Alors, la Bible déclare donc qu'on est aussi prêt à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, obéissez. Comme ça, il y aura la capacité donc, de punir toute désobéissance. Alors maintenant, la désobéissance vient de Satan parce que là, ça pousse les gens à désobéir. N'est-ce pas? Maintenant, comment il va aller punir Satan ou bien punir ses anges ou bien punir les sorciers ou là-bas alors que toi-même tu ne vis pas dans l'obéissance? Parce qu'il est juste. S'il frappe la désobéissance ici, il faut qu'il frappe aussi par rapport à la désobéissance. C'est pour ça qu'il pousse le chrétien d'abord que mets-toi en règle pour que je puisse le frapper. Amen. C'est ce que l'église doit faire. Donc on passe dans la Bible que nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, c'est un pasteur comme ça, comme celui-ci vient dire qu'il prie dans la nuit, il prie en disant qu'il renverse les raisonnements. Et il vient de raisonner la parole de Dieu lui-même en disant que l'apôtre Paul, il y a l'église de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que lui il a fait? Et ils utilisent ça. Que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chargées, sont spirituelles. C'est l'église de Paul qui a dit ça. Mais le voilà qui a utilisé ça pour combattre. Nous amener tout penser capturer à l'obéissance du Seigneur, lui-même là la captivité. Après, il va finir là-bas. Il s'est même quitté la maison en préparant sa femme qu'il faut que l'argent entre aujourd'hui. Il est la captivité. La Bible déclare en 2 chapitre 2, verset 20. Il dit verset 19, il dit qu'il promet la liberté aux gens alors qu'ils sont eux-mêmes captifs de ce qui a triomphé d'eux. Ils sont dans la captivité. Tu vois, les femmes de pasteurs aujourd'hui, c'est les prostituées tout fait. Ils ne voient pas cela. Ils ne peuvent même pas parler. Que Dieu nous vienne seulement en aide. Commençons dans notre soirée. Que Dieu vous bénisse vraiment. Quel est le titre? Parce que je ne veux pas qu'il vous retienne pour longtemps. Parce que... Voilà, ta vie spirituelle. Donc il faut qu'on voit cela. Père, que ton nom se soit glorifié. Je prie, Père de gloire, que tous tes enfants puissent recevoir ici comme une autre sonnette d'alarme que tu donnes, si tu sonnes, Père, pour les faire revenir à l'ordre. Je prie pour tous nos frères, tous nos soeurs qui sont dans le monde entier, que tu les fasses entendre ceci dans leur cœur lorsqu'ils écoutent et qu'ils comprennent que c'est ta voix, que ça ne s'agit pas de moi ni de quelqu'un d'autre, mais de toi qui ramène leur cœur à eux afin qu'ils regardent dans la voie de la vérité. Ton nom soit élevé, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 1. Allons, commençons là-bas. Oh mon Dieu. Donc, quand il va lire, à un moment donné là, je vais vous donner le verset. Mais si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie de ce jour parce que j'aimerais bien insister sur ce thème-ci. Vous voyez, la façon que le Saint-Esprit fait, nous avons vu les séductions par les miracles, nous avons vu l'apostasie, nous avons vu comprendre l'apostasie afin d'éviter. Quand on a compris tout ça, on a une position à prendre. On doit se ressaisir. Parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un va dire. Quelqu'un reste vivant. C'est vrai qu'il fait sa complicité devant. D'autres travaillent avec les esprits. C'est qui fait que quand tu es faible de l'esprit, on peut t'envoûter, tu ne sais pas. Mais il dit, donne une offrande sacrificielle pour te connecter. Est-ce que c'est dans la pensée de Dieu ces choses-là? Quand quelqu'un met de l'eau au témoignage que Dieu m'a béni, il profite de cela. Il dit que ce témoignage-ci, là, c'est pour quelqu'un ici. Le même Dieu qui a fait pour la personne, d'autres, là, déjà que c'est eux qui montrent le témoignage, peut faire pour toi. Viens donner l'offrande pour te connecter à cette grâce. On donne l'offrande pour se connecter à une grâce, frère. C'est quel genre de vie ça? Que tant que je n'oublie pas, ça ne doit pas marcher. Jean chapitre 1. Nous allons prendre notre lecture dans le livre du verset 35. Donc, si nous ne finissons pas aujourd'hui, je vais vous donner le verset, on va continuer. Jean chapitre 1, verset 5. Et lorsqu'il veut commencer à enseigner, vous allez voir que c'est une règle qui est établie dans toute l'écriture, et dans l'Ancien, et dans le Nouveau Testament. Quand ça va sortir, ça sera comme ça. Père, guide-nous maintenant. Verset 1. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il m'arrête d'abord, il dit quelque chose. C'est là où le Saint-Esprit nous a conduit, donc c'est là où on va commencer. Il dit, ici dans Jean chapitre 1, le verset 35. Le lendemain, Jean était encore avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Écoutez la conséquence. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. On va voir ce qu'ils vont aller faire tout à l'heure. Mais je veux que vous compreniez que normalement, le prédicateur indique Jésus. Le prédicateur doit indiquer Jésus. Et si on indique Jésus, souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas confiné en un lieu. Il n'est pas confiné en un lieu. C'est pour ça que vous voyez que c'est là où vous devez voir ces choses pour montrer qu'il y a des guerres d'intérêt dedans. On dit que si tu quittes, tu vas ailleurs, il faut qu'on te chasse. Il faut qu'on te mette ce conseil, il faut qu'on te demande d'explication. Parce qu'on croit que Jésus est seulement dans ce milieu. Quand il vous prêche, est-ce que vous empêche d'aller quelque part? Non. Quand vous sortez par semaine, chaque jour, vous allez n'importe où. En fait, vous montez ou descendez, vous allez trouver les gens qui parlent autre chose, pas vrai? Mm-hmm. Il a dit, sois fidèle. Sois fidèle. Mon roi, c'est seulement les 10 ce qu'il faut dire, point final. Le reste, vous êtes entre ses mains. Donc, il ne dit pas à quelqu'un qui n'allait pas nous parler quoi que ce soit. Il dit ce que la parole dit. Tu as ton rôle à jouer. Donc, Jean-Baptiste donc dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Voilà l'agneau de Dieu. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste ne veut pas dire c'est lui. Il ne veut pas dire que c'est chez lui. Alors, quand il a dit ça, les deux disciples sont allés vers Jésus. Ils vont aller dire, Rabbi, pour voir. Jésus s'est tourné, enfin, je viens de l'expliquer. Vous voyez, c'est parce que il faut que je vous fasse lire. Je peux déposer, je vous explique ce qui se passe là. Bon, maintenant, lisons là devant. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Quand il pose la question, il ne connaît pas. Hein? Il connaît. Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allaient et ils virent où ils demeuraient. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens qui avaient suivi Jésus. Vous voyez? Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. On avait donné la définition du Messie. Et il le conduisit vers Jésus. Remarquez très bien, quand André, qui était disciple de Jean, Jean a indiqué Jésus, il est parti. Quand il a vu Simon, il n'a pas conduit vers Jean-Baptiste. Il n'a pas conduit vers lui. Il a aussi amené vers Jésus. Vers Jésus. Les prédicateurs doivent indiquer Jésus. Souvenez-vous du thème qu'on a de voir, parce que c'est ça qui sera développé. Chrétiens, prenez votre vie spirituelle entre vos mains. Prenez-vous. Donc, ressaisissez-vous. Ne donnez pas votre vie spirituelle entre les mains de quelqu'un. Vous allez prendre maintenant votre position et retourner véritablement là où il faut retourner. Maintenant, regardez. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Non, mais je crois que j'ai ressenti ce là. Verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas. Ce qui signifie Pierre. Vous avez vu? Donc Jésus est resté tranquille. C'est André, le frère de Philippe, qui a amené. Une autre chose qui montre dans ce verset, ça veut dire que le fait que tu sois arrivé à Christ en premier lieu ne veut pas dire que tu es le chef. Non. Quand on regarde sur ce rapport-là, c'est André qui a d'abord connu Philippe, le Seigneur Jésus. Celui qui allait prendre son frère Pierre pour venir lui dire, viens ici. Vous ne voyez nulle part André de son importance quelque part dans la Bible. Mais un de ces jours, il a dit que Pierre, tu es Pierre sur toi, je bâtirai mon. Mais c'est lui qui l'a laissé au capitaine. Pourtant, c'était quelqu'un qui l'avait amené. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve en milieu chrétien? Tu veux expliquer quoi? Que je suis en Christ depuis avant toi. Je connais Dieu avant toi. Tu es né quand? Tu es venu hier. Nous sommes ici depuis longtemps. André n'a pas dit ça, mes chers. Bon, il y a des choses, beaucoup de choses à enseigner à ces générations-ci. Dieu aide-nous. Verset 43. Le lendemain, Jésus, vous y êtes, voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Donc il y a des gens que Jésus amène, appelle lui-même. Il y a des gens que Jésus utilise d'autres personnes pour les faire venir vers lui. Mais tous viennent vers qui? Jésus. Nous voyons dans ce cas-ci, c'est Jean qui a indiqué quelqu'un, voilà Jésus. Allez. Quand la personne qui vient voir Jésus va aussi appeler quelqu'un que vient voir Jésus. D'autres personnes que Jésus qui rencontre toi aussi, viennent aussi, mais voir. Tout tourne autour de la personne du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on continue ici. Mais vous voyez un pasteur prendre la prédication. Je me souviens quand il était dans l'avion. J'ai. Il fait une prédication. Tu vous notez combien de j'ai à l'intérieur, c'est un problème. C'est un problème. Vous allez dans le ministère des Isaïe 14, vous entendez chaque fois, je monterai au ciel, je serai sans bas à l'éternel. J'ai. Il rencontre ses exploits, il rencontre ceci, il rencontre ses visitations, il rencontre ceci et ceci, pour vous pousser. Pour après maintenant, quand il se lève, après tu dis non, le pasteur, c'est mon pasteur. Dis à ton voisin, ton âme doit être entre les mains du grand et souverain pasteur, le Seigneur Jésus. Ne fais pas confiance à un homme sur la terre. L'homme peut te tromper. Même en étant sérieux. Mais le Seigneur Jésus est fidèle. Amen. Philippiens chapitre 14, je voulais dire Jean chapitre 1 verset 14, 44 maintenant. 44, nous sommes dans 44 maintenant. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Maintenant, suivez attentivement. Philippe rencontra, c'est ici donc le thème commence. Philippe rencontra Nathanaël. Vous avez vu que Jésus a appelé Philippe lui-même. Parce que Philippe aussi va encore voir Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Comment celui-ci peut savoir que c'est écrit dans la loi comme ça? Il dit que nous avons, celui que Moïse a écrit dans Deutéronome 18, nous avons trouvé. Suivez maintenant la réaction. C'est cette réaction-ci qui va nous donner le nom, permet de développer le thème d'aujourd'hui. Et regardez bien ce que Nathanaël va dire. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous avez vu ça? Hein? C'est là où nous puisons le thème pour développer. Suivez attentivement. Jésus est la vérité. D'autres personnes ont rencontré Jésus d'abord avant. Il dit dans le cas de l'Église, ce que nous sommes réunis. Il vient voir donc, on a vu comment André allait voir Simon. Simon est venu, puis Jésus a appelé Philippe. Philippe, mais d'abord, Nathanaël. C'est Nathanaël qui nous intéresse, sa réaction. Et on va le suivre là-bas avec le Seigneur Jésus, sa conversation avec le Seigneur Jésus. Lorsque Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Première réaction, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Qu'est-ce qui ne va pas avec Nathanaël? Nathanaël est dépassé par les événements. Jusqu'à ce qu'il se demande si encore on peut avoir du bon dans la ville de Nazareth. Est-ce que ça peut quelque chose peut vraiment sortir là-bas? Pourquoi? Regardons bien ce qui se passe. Vous allez saisir. Regardez. Philippe lui répondit, viens et voilà. Donc il dit, je n'ai pas la réponse. Quand toi tu vas voir, tu vas savoir de quoi il est. Si de Nazareth peuvent sortir quelque chose de bon ou de mauvais. Amen. Maintenant, regardez. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans, à l'intérieur de lui, dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, il s'est devenu comme ça, le Seigneur s'est tourné. Voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Regardez la réaction de Nathanaël. C'est Nathanaël qui est notre personnage qui va nous permettre de développer ce thème-ci. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, j'étais vu. Je vous ai dit, que tu sois n'importe où et que tu aies de la sémence, il va t'appeler. Jésus n'était pas présent quand il était là. Mais il l'a vu. Pourquoi? Parce que Nathan est une semence prédestinée. Nathanaël est une semence prédestinée. On a perverti les choses, le système religieux est tellement perverti qu'il a dû quitter le temple pour aller sur le figuier pour prier. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, j'étais vu. Le gars allait s'asseoir sur le figuier. Il me dit, normalement il doit aller dans le temple, aller dans le lieu de sabbat ou bien dans les synagogues pour aller prier. Il allait rester sur le figuier parce que le figuier tombe avec les ombrages, comme ça, il reste à l'intérieur. Il médite sur le sort. Il médite comment les choses de Dieu, comment c'est écrit dans la loi comme ça, on dit telle ou telle chose. Philippe est venu nous dire, viens, on a trouvé donc la personne. On a trouvé donc la personne, la promesse est là. On a trouvé la personne. Viens voir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il veut dire, telle personne est sortie ici, le sacrificateur, il pervertit. Telle autre personne s'est pervertie. Il veut dire, je suis fatigué d'accourir derrière les hommes. Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Philippe lui a dit, l'autre ici est différent. Viens et vois. Quand il est venu, subitement il a vu et il a su qu'il y avait de la différence. Lorsque la Bible déclare, Jésus venant, voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Donc il sait que celui-ci, il n'aime pas la fausseté. Donc il se mélange pas avec les faux. Il ne peut pas être dans les pharisiens ou là vous faire des simagrées. Lorsqu'on tord la voix de Dieu, il se retire. Il se prend en main. Il se prend en charge pour chercher Dieu lui seul à seul. Et Dieu l'a vu. Là, il le cherchait seul à seul. Il l'a envoyé chercher là-bas. Amen. Il dit, c'est là qu'on va développer. Jésus lui dit, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de front. Il dit, d'où me connais-tu, Rabbi? Il dit, avant que Philippe ne t'appelle sur le figuier, je t'ai vu. Donc, j'ai connu la disposition de ton cœur. Je suis venu te rescourir. Je suis vraiment la vérité. Comme tu as décidé de te séparer de ces choses-là pour ne pas te mixer dans le péché, c'est pour cela que je suis venu vers toi. C'est ça. C'est Jésus qui est la voie. C'est lui qui est la solution. Alors, la suite de l'affaire va dire maintenant, quand il va dire ça, regardez l'exclamation de celui qui a dit plus haut, que peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Son frère lui a dit que je n'ai pas de prédication à donner. Je ne peux pas dire oui ni non. Viens et suivons la suite là. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. C'est quand même terrible. C'est terrible. Tu es le fils de Dieu, virgule. Tu es le roi d'Israël. Vous lisez Sophonie chapitre 3, le verset 15 à 17. C'est écrit littéralement qu'il sera au milieu d'eux. C'est écrit, les gens lisent les prophètes, c'est écrit que Dieu, l'Éternel des armées, va venir au milieu d'eux. Le roi d'Israël sera au milieu d'eux. Il sera comme ça, comme un faible. Dans son amour pour Sion, il va se taire. Il s'est tenu là devant eux. Quelqu'un sort de sous le figuier dans la méditation. Il vient identifier que celui-ci, donc, c'était lui. Les gens qui ont la barbe, le roi qui lit dans les églises, il dit non, ça c'était l'église de Paul. Alléluia. Mm-hmm. Dieu se révèle dans la simplicité. Il dit qu'il se révèle à tous ceux qui le cherchent. Mais ceux donc qui veulent, c'est pour ça que quand il va confronter les juifs qui sont dans le temple, qui lisent la loi, il va leur dire, vous sondez les écritures, croyez avoir en elles la vie. C'est elle qui rend témoignage de moi. Donc, si vous allez dans la Bible normalement, de la bonne façon, pour chercher la voie de la vérité, un doigt va sortir à l'intérieur. Ça va vous pointer que la vérité, c'est Jésus. Ce que tu cherches là, ce n'est pas dans un lieu. Ce n'est pas dans un livre. Il s'agit d'une personne. Il s'appelle Jésus. C'est de Jésus dont il est question. Tous les versets vont tourner pour montrer que c'est de Jésus dont il est question. Ton passé n'est pas important. Même si le prophète dit n'importe quoi, il n'est pas important. C'est Jésus qui est la voie. Alors quand Nathanaël a vu cela, pourtant tout à l'heure, il a dit qu'il y a petit véhicule. Il croyait qu'il n'y avait plus de solution. Alors, quelqu'un qui sait Dieu, qui se trouve dans un milieu qui ne sait pas encore qu'il y a de vrai, va seulement rester tranquille comme ça. Vous voyez, certaines personnes sont dépassées. Ils restent à la maison, vous dites que ils sont fatigués, que finalement il n'y a plus de vrai ici. Même celui qui croit que c'était vrai comme ça. Comme ça, tu es fatigué. Dis à ton voisin, ce n'est pas terminé. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Alors donc, comme Nathanaël, je vais donc développer sur la personnalité de Nathanaël, ce qui l'a poussé. Le fait qu'il y avait le faux en Israël. Les pharisiens, les sadducéens, les hélénistes et autres là-bas, les dénominations s'étaient formées. Tous étaient dans le faux. Et vous allez voir plus tard comment ils vont confronter la vérité. Quand ils parlent de la vérité, chaque fois, ils arrivent de la personne de Jésus. Ils vont venir vers la vérité, ils vont se cogner. Là. L'autre va rester avec une bosse. Les pharisiens vont se cogner, rentrer avec une bosse. Et ainsi, les sadducéens, les. Parce que c'est quoi? Bon, tu es fatigué. Les pharisiens, chacun va rentrer avec une bosse. Mais un de ces jours, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas dans le milieu pharisien ici, le rencontre, il connaît quelle est la vérité. Donc, les personnes qui sont dans les milieux dites chrétiens sont plus enclins à être embrouillées et empêchées de suivre le vrai Seigneur Jésus. Quand quelqu'un qui le cherche véritablement reste dans ces milieux, il faut qu'il prenne sa vie spirituelle entre les mains parce qu'on nous embrouille avec des festivités. Séminaire par-ci, nuit de prière par-là. Comme ça, on est sûr que quand tu vas prier la nuit, le lendemain, tu seras fatigué. Nuit de traversée, comme tu as traversé depuis 2 ans, ça ne change pas. Lui de promesses de bénédiction, ne ratez pas ces 5 heures. C'est 1 heure avec le roi. Venez faire les déclarations pour ce que tu marches la tête, tu prends, tu sors avec la sueur à 5 heures, tu crois que tu as fait comme ça. C'est pas ça. Dis à ton voisin, il faut d'abord trouver le Seigneur. Ne lâchez pas jusqu'à ce que votre relation avec lui soit véritablement claire. Ne lâchez pas. Sinon, vous allez se rendre de naviguer à vue. Restez d'abord, comme j'ai cité dans ces 2 Corinthiens 10 là, restez d'abord dans l'obéissance. Première chose que nous devons faire à notre ainsi, c'est qu'on doit admettre que même si on le veut ou pas, on a été influencé de part et d'autre par le mensonge. Amen. La deuxième chose donc qu'il faut faire, c'est de rester le roi tranquille. Comme Dieu a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Si Yves nous médite, comme Dieu a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 17, il a dit que sortez du milieu de et je vous accueillerai. Il faut d'abord sortir, rester devant Dieu, que Dieu te nettoie. Il enlève tout le mensonge. Et par conséquent, comment il fait? Il faut faire en lisant la parole, méditant la parole. Lis en méditant. Ne lisez pas seulement la Bible. Lis en méditant. Lis en méditant. Vous allez voir que, mais qu'est-ce qui ne va pas se dire? Comment j'avais la Bible devant moi, on me disait des choses, je croyais. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, on a fort à faire. Dis encore à quelqu'un, prends ta vie spirituelle entre les mains. Donc vous êtes responsable, maintenant que vous allez comprendre ces choses-là, vous êtes responsable qu'il y a un danger dehors. Vous fuyez le monde, pendant que vous allez fuir le mal, vous esquivez le mal, vous sont maintenant déguisés en Soutan. C'est le plus dangereux ici, parce que là, tu te donnes sans garde. Tu ouvres ton cœur sans prêter attention. Les mêmes esprits que tu as fui dans le monde, ils n'ont de mettre ça en toi. D'où vient-il que les pasteurs vont commencer à coucher avec les jeunes filles au milieu de l'église? D'autres avortent. Ah Seigneur, Seigneur, mais il va s'élever. Mais il va s'élever pour juger ces gens-là. Donc Nathanaël a refusé la compromission. A refusé. Il n'aime pas ces choses quand les visions viennent comme ça. A refusé de. Il faut que ça me permette vraiment de finir avec ces paroles aussi là. Les choses-là. Nathanaël a refusé de se compromettre avec le groupe ecclésiastiquement établi et normalement établi parmi les hommes. Il a refusé cela. Il s'est retiré dans un coin. Mais le fait qu'il s'est retiré pour être seul ne veut pas dire que Dieu n'était pas venu. Parce que Jésus-Christ dit, je t'ai vu quand j'étais sur le figuier. Aucun des pharisiens qui étaient dans le temple n'a su que Nathanaël était là. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait Dieu dans la solitude et la méditation. Donc dis à ton voisin encore, sors et reste dans la solitude. Sors et reste dans la solitude. Reste dans la solitude. Reste dans la solitude. Pour que Dieu traverse ton cœur. Son esprit traverse tes pensées. Et que dans la méditation, il te nettoie. Et établit son règne dans ton cœur. Regardez pour Nathanaël, le personnage qui est présenté là. Quand c'est le moment arrivé, il a vu. Il dit, Rabbi, il dit, tu es le fils de Dieu. Une confession que personne ne savait. Jusque là, personne ne savait. Il vient, il dit, même Philippe qui était à côté, il savait que c'était le fils de Dieu. Il dit que nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Il s'appelle Jésus, fils de Dieu. Il a vu l'aspect charnel de Jésus. Celui-ci est venu, il a vu Dieu. Tu es le fils de Dieu. Comment celui-ci peut savoir? Parce qu'il sait que c'est seulement Dieu qui peut savoir ce qui est en l'homme. Il sait que Jérémie chapitre 10, verset, chapitre 17, verset 10, dit que celui, Jésus, c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est Jésus. C'est Dieu. Donc il peut donc déclarer que si celui-ci a pu, parce qu'il reste comme ça. Tu ne peux pas savoir si je suis mauvais ou pas dans mon cœur. C'est parce que la personne qui lit le cœur, c'est Dieu. Si je me suis présenté comme ça et que celui-ci sait que j'ai soif de Dieu, je cherche vraiment Dieu. Et qui me déclare clairement qu'il n'y a point de justice à moi, il doit être Dieu. Tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Quelle confession. Ce qui était en lui a exprimé pour montrer qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Si vous cherchez plutôt les hommes, les miracles, vous allez aller de lieu en lieu, vous serez toujours déçu. Jésus-Christ est la satisfaction. Amen. On avance. Je vais commencer maintenant par vous donner les versets. Comme ça, si j'arrête, la prochaine fois, on va continuer la deuxième partie là-bas. Notez. 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Si Dieu permet, donc les versets que je vais vous donner là tout à l'heure, on va, Dieu vous lance. Donc, si, on va, mais je sens qu'il faut qu'on prie. 2 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Je donne encore Matthieu 23, versets 23 à 31. Matthieu 23, versets 23 à 31. Jean, le chapitre 6. Donc, j'ai dit Matthieu, chapitre 23. Verset 23 à 31. Jean, chapitre 6, verset 1 à 29. J'ai d'abord dit 2 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16 à 19. 1 Pierre, chapitre 1, verset... Oui. Je crois que c'est... Non, notez 1 Pierre chapitre 4, tout le chapitre 4, maintenant 2 Pierre, n'est-ce pas, chapitre 1, verset 16 à 19. 1 Pierre 4, donc tout le chapitre 4, on va travailler là-dedans. Maintenant, 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 16 à 19. D'accord, mes frères. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Notez Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, du verset 23 jusqu'au dernier. Matthieu 21, verset 23 jusqu'au dernier. Notez aussi Romains 14, 12. Ça va, frère et soeur? Vous avez donné Matthieu, Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23. Verset 23 à 31. À 31. Le dernier, c'est Romains 14, verset 12. C'est pas encore le dernier. Vous voulez qu'il arrête comme ça? Romains 14, verset 12. Notez Isaïe, Isaïe 28. Vous avez noté Isaïe 28. Mm-hmm. Notez Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Isaïe 28, j'ai dit Isaïe 28, vous avez noté. Maintenant j'ai dit Luc chapitre 6, versets 46 à 49. C'est bon? Mm-hmm. Courage, même si vous coulez la suie. Quand vous priez, souvent vous priez, là, vous coulez la suie aussi, non? Mm-hmm. Maintenant c'est la parole qui excite la chaleur. Ça, c'est bien. Amen. Psaume 100 et Proverbe 8. Notez Psaume 100, Proverbe 8. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. On va voir ce que là où Dieu voulait qu'on y va maintenant. Et le chapitre 13, verset 1 à 7. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3, puis Hébreux chapitre 13, verset 1 à 7. Vous avez noté les psaumes 100 et Proverbe chapitre 8. Ok, donc on va commencer là maintenant. Si on ne finit pas ce soir, on va continuer la prochaine fois. On va prendre tous les versets qui est là-bas. Mais en parlant, si Dieu voulait qu'on touche dans tous les domaines, on va toucher. On peut y aller. Prenons donc les deux passages qui se trouvent dans Hébreux. Donc Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3, puis Hébreux chapitre 13. On va lire cela et puis on va lire. Proverbe, et on va arrêter pour ce soir. Hébreux. Souvenez-vous, on a devant le thème, prenez votre vie spirituelle entre vos mains. Qu'est-ce que ça veut dire, prenez votre vie spirituelle entre vos mains? C'est pour lui dire, c'est dangereux dans notre ère d'apostasie de faire confiance aux serviteurs qui sont dehors si vous ne les connaissez pas. Donc vous devez vous ressaisir. Vous devez vous ressaisir. Maintenant, vous ne pouvez pas identifier le vrai du faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer vers la personne qui est censée envoyer les gens. Quand vous rentrez à l'intérieur maintenant, il va commencer à vous enseigner sur la différence entre l'original et le faux. Et là maintenant, quand vous êtes dans la nature, votre vie spirituelle ne peut plus être même. C'est pour ça qu'il dit, prenez votre vie spirituelle entre les mains. C'est ce que Nathanaël a fait. Il s'est retiré. C'est pas vrai? Quand il a médité, il savait que non, quelque chose de bon. Quand il a vu maintenant le bon, il pouvait maintenant savoir ce qu'il en est. Voilà. Hébreux chapitre 12, verset 1 et 3. Regardez ce qu'il dit. Nous donc, tout le monde y est déjà, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, on a parlé de nous aujourd'hui. Tu y es, ma soeur, hein? Hébreux chapitre 12, voilà. Il dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc nous avons des témoins, donc, dans le chapitre 11, on a expliqué les différents témoins, comment ils ont vécu et autres. Il dit, comme on a ces témoins-là qui nous sont environnés, donc, vous avez quelque chose que vous pouvez toucher de par, comment Dieu a agi, comment les gens ont agi. Vous avez ces preuves-là au côté de vous. Il dit maintenant, rejetons tout fardeau, hein, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et l'une des choses, donc, que le milieu pentecôtiste particulièrement amène, c'est que vous êtes enveloppé à l'intérieur, vous vivez dans le péché sans vous en rendre compte. Amen. Sans vous en rendre compte. Quand vous commencez à sortir, la première chose que vous dites, c'est vraiment, Dieu est bon. Parce que si j'étais à l'intérieur, si je mourais là, j'étais haut. Yeah. Or, pourtant, tu es à l'intérieur, tu crois que tu sais Dieu. Amen. Donc, le Saint-Esprit met en exergue la justice qui est sur le cœur en te doigtant le péché. Donc, les gens vivent en chantant pour Dieu dans le péché sans en rendre compte. La Bible déclare donc que, et le péché, il faut qu'on rejette tout fardeau. Donc, là, ça ne veut pas qu'on mette n'importe quel fardeau sur vous. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, la Bible déclare ici, par révélation, que en réalité, le péché, on tombe dans le péché très facilement. Donc, il faut qu'on prenne garde. Donc, pour pécher, ce n'est pas difficile. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons vers nos pasteurs et vers les nuits de la traversée. avez vu ça, non? Corrompre où? On va être persévérant dans la carrière qui nous a offerte. C'est que vous avez la fausse version de la Bible, alors. C'est écrit ici, et courons à, avec persévérance vers nos grands pasteurs et vers les nuits de traversée. Chez vous, c'est écrit quoi, mes soeurs et frères? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous a offerte. Voilà. Donc, il y a une carrière qui est... La Bible nous a indiqué que là où nos vies spirituelles doivent se diriger. Il y a un carré qui était ouvert. Maintenant, regardez. Regardez bien. Dans ce carré-là, verset 2. Dans ce carré-là, ayez les regards sur vos pasteurs qui prennent vos dîmes. On a les regards, c'est qui? Tourne-toi, regarde quelqu'un d'autre. Ou bien on a plutôt écrit c'est qu'il y a les regards sur vos pasteurs qui est le chef et le consommateur de vos dîmes. C'est ce qu'on a écrit? Non. Hein? Mais pourquoi c'est soit vous avez des regards sur eux, ils parlent de pourquoi vous les gars étaient seulement là, vous voulez les doigter, c'est moi qui ont mangé vos dîmes aux autres. C'est quoi, pourquoi vous êtes là en découvre avec eux? Ah, que Dieu les vienne en aide, n'est-ce pas? C'est ça qui scelle nos vies. C'est ça qui scelle vos vies. Quand tu donnes ta dîme, oui. Tu es encadré, ça te protège. Ça te protège. Toi particulièrement, tu donnes les choses, tu oppresses, pas vrai? Hein? C'est grave, n'est-ce pas? Ouais, là, voilà au milieu de nous. Elle doit, elle a l'oppression. L'oppression. La vie, ça ne peut pas marcher, mais elle sème chaque fois. Elle donne le dîme chaque fois. On dit qu'on donne. Fidèle comme ça jusqu'aux os. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Mais on ne peut pas lui dire qu'elle vit dans le péché. Quel est les aspects dans sa vie qui sont les péchés qui vont le détruire? Il faut qu'on quitte. Quand tu donnes seulement, on dit on applaudit pour toi, on va prier, on va mettre l'huile sur toi. Donc Dieu va fermer les yeux sur les péchés comme tu as donné les dîmes à son serviteur. Tu parles. Donc, les gens sont tellement corrompus dans le monde où on négocie pour entrer le concours, on croit que chez Dieu on va se négocier pour entrer. Il dit ici, ayant les regards fixés sur Jésus, virgule, le chef 1. Jésus est quoi? Le chef. Et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que nos cœurs, les désirs de notre cœur doivent nous attirer vers Jésus. Amen. La question c'est, quelles sont nos motivations en allant vers les pasteurs dans les programmes des PC et des déclarations prophétiques pour ouvrir les cieux sur toi? Quelles sont nos motivations? N'avons-nous pas quelques cupidités, quelques désirs de fuir les trains quotidiens? N'avons-nous pas le désir que Dieu se manifeste en nous pour qu'on voit aussi que notre situation a changé, afin qu'on s'en vante aussi? Si tel est le cas, Dieu va nous briser davantage pour nous amener à lui en disant que « Ma grâce te suffit ». Continuons ici. Il dit « Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue, on parle de Jésus là maintenant, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Donc, malgré qu'il avait la joie qui était par la suite, il a d'abord quoi? Souffert la croix. Et l'une des choses dont, je suis en train de parler par rapport à notre vie spirituelle, parce que là où vous êtes plongé dans le panthéotisme et dans cette histoire évangélique, on fait tout et tout pour vous montrer qu'en fait, on n'a pas besoin de souffrance. Donc, Jésus a tout payé. Vous devez marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Et on perd de vue le fait que pour que vous héritiez une chose, il faut que vous passiez par la souffrance. Que la souffrance est une chose normale dans la vie chrétienne pour nous apprendre à marcher dans la sainteté, à passer par la gloire de Dieu. On fait que vous perdiez cela de vue. Vous voyez, on dit ici que Jésus-Christ, on parle de Jésus, que lui, qui est le chef de notre consommateur de notre foi, on dit, en vue de la joie qui lui était réservée, a d'abord souffert de la croix. Vous voyez, n'est-ce pas? Et méprisé l'ignominie. Donc, on a méprisé le Seigneur, c'est raconté dans la Bible. L'histoire de sa passion, c'est raconté dans la Bible. Comment on l'a fait? On a injuré, arraché la barbe, giflé, craché sur lui. Mais on dit, après avoir souffert ça, il a fait quoi? Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, il a beau passer par là, pour t'asseoir dans le trône. Mais aujourd'hui, tu viens dans le péché, on veut que tu entres dans la gloire. Tu vis n'importe comment, on dit que non, tu es la tête et non la queue. Tu fais n'importe comment, on dit ta possession vient, sème davantage. Tu sèmes en dollars, tu as en dollars, tu donnes en euros, tu as en euros. Sachant qu'ils vont convertir ça en francs CFA. Voilà pourquoi ils donnent les enveloppes pour qu'il n'y ait pas de pièces d'argent. Verset 3, enfin, considérer. J'aime ça, souligner ce mot-là. Vous allez comprendre l'implication. Quand le Saint-Esprit utilise ce terme-ci, considéré, il a l'air d'attirer notre attention. Il vient de donner un exemple. 1. Évitez donc qu'on vous mette sur n'importe quel fardeau. 2. Il faut que vous vérifiez que vous ne tombez pas facilement dans le péché. Parce que le péché que vous faites, vous pouvez tomber dans le péché facilement. En fait, il y a une voie qui nous est ouverte. On a une opportunité. Une voie par laquelle on est censé passer. Quand vous passez par cette voie-là, que rien ne détourne votre attention. Ça, je dis ce que la Bible dit là. Que rien ne détourne votre attention. Que votre but soit Jésus. Puis on dit considérer Jésus, considérer le lui qui, en vue de la gloire qui lui était réservée, en vue de la grâce, en vue de la joie, a souffert telle chose-ci. Quand il a fini de souffrir la croix, et mépriser l'humilié, il s'est assis à la droite. Après, on dit considérer. On dit considérer, dit que voyez son sort, voyons lui. Considérez-vous donc, regardez-vous à l'image de Jésus. Observez votre vie à l'image de Jésus. Puisque vous avez le regard sur lui, observez. On veut dire quoi? Si lui, il est passé par cette voie, comme le soit toi, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ça qu'on doit enseigner aux chrétiens. Mais non, la souffrance est terminée. Christ a accompli la souffrance à la croix. Il est devenu pauvre pour que Dieu t'enrichisse. Il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Mon frère, ma soeur, qui dit ici que si tu n'as pas la vie en abondance, c'est que tu n'as pas compris. Mais dans ce cas, si lui l'a compris, pourquoi il compte sur ton argent pour vivre? Si lui l'a compris, il se pose la question simple. Les bénédictions qu'il élève, c'est pas sûr de tes conditions. Tu donnes 25 000, l'autre donne 10 000, l'autre donne 10 000. C'est la somme de ça qui fait que ça achète sa voiture, non? Dites, comme il a considéré, comme il a compris. Dites que restez libre, mangez dans votre famille, que lui là, ça part, vous allez voir. Donc c'est une grâce que de vivre par la foi. L'épreuve de la foi. C'est une grâce que les pasteurs vivent par la foi. Je challenge les pasteurs de vivre par la foi. C'est-à-dire de vivre de l'évangile qui prêche, de prêcher et attendre que Dieu leur donne le salaire. Sans tourner les chrétiens d'une certaine façon. Ils passent le journée, ils méditent comme ça, ils partent quelque part où Isaac a planté cette nuit-là, Genèse. Il y avait la famine. Isaac a semé ce jour. Dieu a dit à Isaac que tu sèmes, il a moissonné au sanctuaire pour cette année-là. Il vient la soirée. Il dit, je vous dis que sèmez comme Isaac, au nom de Jésus que vous allez moissonner au sanctuaire. Puis il dit que merde, notre relation s'assoit encore d'eau. Je ne suis pas. Il sent que la sœur a quelque chose à dire. Je ne suis pas prophète de Dieu. Sinon, on ne m'a pas élu prophète. Comme on m'a élu prophète. Ça passe, ça va marcher. Il a dit donne ton visa. Que donne ton visa. Ça dit quelque chose qui était cher. Parce qu'on l'a élu. C'est Dieu qui l'a appelé. J'ai dit que quoi que j'ai des choses à apprendre de vous. Ma sœur, courage, d'accord. Courage. Frère, quelqu'un dit même que. Comment, si cela n'existe pas, parce que vous lui prouvez que ça n'existe pas dans la parole, dans le Nouveau Testament, il vous demande que, mais si ça n'existe pas, comment est-ce que ça s'est introduit à l'église? Bonne question. En fait, il est sur la voie pour avoir la solution. Il est sur la voie pour avoir la solution. S'il pose la question à savoir, par exemple, le problème des dîmes, comment on le dit là, comment ça a fait pour arriver à l'église? Tu prends seulement l'histoire de l'église, tu lui montres que c'est Cyprien le Carthage qui est le premier à avoir parlé. Celui qui a dit, comme les Lévites pensaient aussi le peuple, il faut aussi que le peuple. Dès qu'il a dit ça, c'est André. Voilà ça qui est développé aujourd'hui. Or, l'apôtre Paul avait dit, je sais qu'après mon départ, ils s'élèveront du milieu de vous, de lui cruel qui n'est pas non pour le peuple. Ils vont introduire. Et voilà Cyprien qui venait d'introduire quelque chose. Donc si quelqu'un pose la question, d'où est-ce que c'est venu? Toutes les doctrines qu'on a déprochées contre là-bas, on peut les tracer une à une pour montrer où c'est sorti. Alors maintenant, la question maintenant, c'est que après qu'il ait vu la vérité, est-ce qu'il va accepter? Voilà. Alors, puisque quand Dieu a fermé la Bible dans le livre des gens, dans Apocalypse des gens, il a dit que je le déclare, quiconque lit les paroles de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. C'est ce qui est écrit. Donc, c'était scellé. Quand c'est fini, c'est scellé. Donc, comme c'est fermé là, il n'y a plus de verset à ajouter. Donc, si Dieu a ajouté quelque chose, c'est que Paul a raison de dire que aide-toi et le ciel, et le ciel t'aidera. C'est ce que dans la Bible. Il sent que vous avez quelque chose contre les pasteurs. Vous savez pourquoi c'est les femmes qui parlent comme ça? Les femmes ont subi ici parce que c'est elles qui sont les victimes d'abord. La personne va te dire que dans la Bible, comme le Seigneur nous a dit qu'il y a des choses qu'il a accomplies avant, donc, qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Ok. Et que c'est toutes ces choses. Le monde ne peut pas contenir. Donc, ces choses qui ne sont donc pas écrites, pourquoi ce qui est écrit là? On arrive donc ces choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible, c'est quoi, alors? Tant que nous on dit ceci, on dit non, ce n'est pas, donc c'est pas normal. Ok, mais là, moi, alors, quand tu lui poses la question que ce qu'on a déjà écrit là, pourquoi il ne fait pas comme c'est écrit? Il part chercher ce qu'on n'a pas écrit pour faire. Quand je sortais du ventre de ta mère, tout était à dire. Voilà. C'est voilà. Le foulard que tu mets là. Voilà. Voilà. Il faut le dire clair. Les lunettes là. Oui, il faut dire ceci. Voilà. Voici la parole de Dieu qui est écrite. Ce qui est écrit là, est-ce qu'il obéit? Quand Dieu a dit par la bouche de l'apôtre Paul que je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, quand il a dit ça, les gens ne savaient pas d'abord. Il dit qu'il veut que vous sachiez, il a réitéré. Il a dit que jugez en vous-même. Est-il convenant qu'une femme prie sans se voiler? Pourquoi Dieu demande qu'il voile alors? Et qu'une femme ne doit pas être pasteur. C'est écrit, non? Que quand il n'est pas là, sa femme, c'est se gomme. Je ne sais pas si vous avez à dire au pasteur là. Vous voyez que ce sont les femmes qui sont victimes de ces choses là. Quand on fait, elles sont nombreuses. En fait, vous allez chez les marabouts, les femmes sont majoritaires. Vous allez dans la politique, elles sont majoritaires. À l'église, elles sont majoritaires. Donnez, tentez seulement, attendez seulement que l'onction de la présidence vienne, vous allez voir ce qui va arriver. Ça va changer les visions du monde. Le féminisme va évoluer. Ouais, ça va, c'est clair. Oui, frère. Pourtant, Salomon dit que sur 1000 femmes, il n'a trouvé aucun. Elle dit c'est toutes. Ah, c'est tout. Elle a dit que sur 1000 hommes, il a trouvé quand même un qui est bon. Mais sur toutes les femmes, il a trouvé aucun. Donc Salomon est mort sans trouver la femme de sa vie. Donc Salomon est mort sans trouver la femme de sa vie. C'est terrible. C'est pour ça qu'il est arrivé à la conclusion que vous qui êtes sur la terre, celui qui trouve la femme vraiment a trouvé le bonheur. Il dit, c'est un don qu'il obtient de la part de l'Éternel. Alléluia. Il a exploré le femme, exploré. Prends 300 par ici, 700 par là. Il n'a pas trouvé sa femme. Après, il a dit que mon fils, que ton cœur ne se voit pas avec cette femme-là. Quand il regarde ses yeux, si elle fait comme ça, fuit avec tes yeux. C'est ce que la Bible déclare. C'est en fait, quand la Bible parle de la femme vertueuse, c'est en fait le type même de l'Église. Oui. Oui, donc si elle est vertueuse, ça sous-entend que c'est celle-là que Dieu a trouvée comme étant son épouse. Oui. C'est référent à l'Église. Et en fait, si le pasteur savait ces choses-là, il devait savoir que le nettoyage des femmes doit être systématique. C'est pour ça que quand quelqu'un pose la question que quand j'ai sorti du ventre, j'ai sorti avec les pains ou les autres là-bas, il devait savoir qu'en fait, tu n'es pas sorti du ventre. Ce n'est pas du vent en réalité qu'on est sorti. C'est depuis une liquide qu'on appelle le sperme. Bon, ça s'est développé. Bon, maintenant, il y a un développement. Alors, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Je sais que vous avez à dire au pasteur. Je crois qu'il va falloir qu'on dise maintenant parole pour le pasteur. On vous laisse parler. Que ça serve d'enseignement. Parce que je sais que vous êtes gonflable. Parce qu'on fait le bon comment. Vous voulez dire. Ou bien je suis établi prophète de Dieu très haut. Sauf si à moi, ce que Dieu m'a pas appelé. C'est ce qu'il dit. Tu vas s'en et quand il dit comme ça, maintenant tu sens qu'aujourd'hui c'est ton jour, tu passes aimer encore. Ouais, et puis on va entendre Amen. Attends, c'est être abusé. Quand tu dis Amen, tu attires sur mal, maintenant tu dis Amen. Si tu dis pas Amen, tu as tout gâté. Ma soeur, regarde-moi. Est-ce que je peux te demander pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que ces pasteurs-là t'ont fait? Parce que c'est que tu es Satan, c'est ta voix. Enfin, tu peux conçoir ces pardons au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'aie plus te fâcher de Dieu, d'accord? Donc regarde l'argent que tu as versé là-bas, comme si tu t'es passé quelque part, tu avais égaré, d'accord? Donc ne regarde pas ça. Commence une nouvelle vie avec le Seigneur, d'accord? Fais-lui confiance. Jésus-Christ ne peut pas, il ne peut pas il n'est pas infidèle. Il ne peut pas te décevoir. D'accord? Courons vers la carrière qui est ouverte, qui est le Seigneur. Donc sur le thème, je vous ai demandé de souligner le thème considérant. Considéré. C'est ça, n'est-ce pas? Il est considéré. En effet. Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que, en réalité, vous avez souligné à considérer, n'est-ce pas? Descendez le but, vous soulignez, afin que. C'est comme ça qu'on devait travailler dans la méditation. Donc, voici la chose. Considérez Jésus de cette façon aussi, afin que vous y soyez. Considérez afin que. Donc, je vais le considérer afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Parce que si tu vois toutes ces choses, comme vous allez citer comme ça, vous voyez que dans ça, elle a dit tout à l'heure là qu'elle était déjà découragée. Découragée. On dit quand on finit là, c'est là le pasteur dit que c'est qu'elle versait. Non, je suis là. Oui, non. Donc, le pasteur est à Hébreux 13, il sort au but de Dieu, que depuis qu'on a dit, c'est comment vous considérez. Vous avez déjà envoyé la voix. Hébreux 13, non, c'est moi qui vous ai dit. Non, ce sont les femmes qui ont baragé pour les pasteurs, c'est ça qu'ils font comme ça. Il y a celui considéré, il va avoir l'enquête à cause de tous. Oui. Donc, on considère cela afin qu'on ne vienne pas l'âme découragée. Donc, on ne soit pas découragé. Les gens qui se découragent justement, c'est parce qu'on a notre attention n'a pas été focalisée sur la personne de Jésus. Parce que si tu es attaché sur la personne de Jésus-Christ, il va amplifier ta foi. Il va souffler chaque fois. Quand tu vas il va continuer le chemin. On court dans cette carré. Souvenez-vous, la carré qui est ouverte là, le verset a dit qu'on y court avec persévérance. On doit courir dans cette carré avec persévérance. Quand on court dans cette carré là, on va voir effectivement que le Seigneur a parcouru une distance depuis Jérusalem jusqu'à hors de la porte à Golgotha. Il a marché là-bas avec sa croix. Il tombe, il porte. Il faut qu'il arrive à Golgotha. Quand il a, on l'a cloué. Là, il dit Élie, et là-bas, ça va gagner. C'était la fin. Il a crié, il a expié. Il a eu le dernier des derniers de ses souffrances qui puisse exister, l'ignominie. Quand il a souffert ça, après la croix, c'était la gloire, frère. Amen. Après la croix, c'était la gloire. Tu peux dire dans ton cœur que comment il souffre comme ça, mes affaires ne marchent pas. Si ça ne marche pas, là n'est pas le problème. Je ne suis pas là pour dire comme le pasteur qu'il prophétise que ça va marcher. Non. Si ça vient de Dieu, continue dans son école jusqu'à ce qu'il soit diplômé. Là-bas, on ne dribble pas le coup. Tu dribbles le coup, tu vas comprendre, tu vas redoubler. Chapitre 13 maintenant. Chapitre 13. Nous parlons de prenez vos vies spirituelles entre les mains. Donc, il faut que vous compreniez maintenant que c'est de votre responsabilité de veiller si vous vivez comme Dieu veut ou pas. C'est de votre responsabilité pour que vous n'allez jamais dire ça ne tiendra pas devant Dieu. C'est elle parce qu'il m'a prêché. C'est celui qui m'a trompé. Ça ne tiendra pas devant Dieu. Parce que vous avez la Bible que le pasteur a, il n'a pas autre Bible. S'il lit autre Bible, quittez-le parce que la Bible déclare qu'on ne doit rien y ajouter. Maintenant, le plus grave, c'est qu'ils entrent dans la Bible, ils font comme ça, ils tordent. Comme celle-là dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Or, on dit dans ce livre de Jean, chapitre 20, là, verset 31, que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. On parle des miracles. Que si on les recensait tous, mais le livre, le monde ne se contenait pas. On a parlé des miracles. Lui, qu'on a dit que des choses qu'on ne devait pas dire. Ce que Dieu a dit qu'on devait savoir, il l'a déjà dit. L'apôtre Paul l'a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Donc, ce qu'on devait savoir, c'est là-dedans. Pasteur malhonnête. Chapitre 13. Verset 1 du chapitre 13 dit persévérer dans l'amour fraternel. Nos vies spirituelles doivent nous conduire premièrement au second commandement qui est lié au commandement de Dieu. Après avoir compris que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus qui est lié au premier commandement, le plus grand commandement, que tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Donc les yeux fixés sur Jésus constamment. Nous devons comprendre la deuxième chose, que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, toute notre chose que nous allons faire en tant que chrétien doit être motivée par l'amour. Persévérer. Vous voyez, dans l'amour, on doit également persévérer. Dans la carrière qui est ouverte, on doit persévérer. On doit persévérer dans la marche avec le Seigneur, ayant toujours constamment les yeux sur lui. Souvenez-vous, je vais résumer ce qu'on a dit au chapitre 12. Au chapitre 12, on a compris que dans la marche avec le Seigneur, il y aura des moments de souffrance. Mais pour ne pas perdre courage, considérez que Jésus a passé par cette voie. Pour qu'on ne soit pas découragé. Que vous n'êtes pas le premier à passer par là. Donc vous avez compris. Maintenant, verset 13, chapitre 13, verset 1 dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est quand même terrible. Milieu chrétien aujourd'hui. J'arrache ma chose. Ah. Verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps, donc vous subissez les mêmes effets. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 5, que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Tous les chrétiens ont souffert dans toutes les époques, sauf les chrétiens du 21e siècle qui ne veulent pas souffrir. Et donc moi, je suis là en tant que serviteur de Dieu, pour vous dire que si vous recevez la souffrance, vous refusez la gloire qui en découle. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, le verset, allons-y là-bas avant de revenir. Vous voyez, tout à l'heure, il n'a pas donné ça, mais c'est obligé de te sentir là-bas. S'il vous plaît, vous avez des questions. Si vous refusez. Vous refusez de parcourir, de subir la souffrance là, vous ne régnerez pas avec lui. Vous ne participerez pas à la gloire. C'est ce qui en découle. Parce que on a établi ici que quand Christ est sorti de la croix, on a dit ça là-bas, il s'est assis à la droite de Dieu, donc il est entré dans la gloire. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Toute personne qui reçoit les grâces sans souffrance et les gloires sans souffrance, il est susceptible de gaspiller. C'est pour ça que vous voyez des enfants qui héritent, qui grandissent simplement et dont ils n'ont pas connu la souffrance. Quand ils entrent dans la rue, tu lui donnes les terreaux, tu lui donnes les maisons, tu attends qu'il a vendu cela, il est entré, il envoie. Parce qu'il n'a pas compris ce que veut dire souffrir à la suite de son propre pour gagner. Mais celui qui a vendu dans quoi, une caisse, ça a augmenté à une boutique, puis il a eu une quincaillerie, après il a eu des boutiques, il sait ce que veut dire faire attention. Celui qui a mangé les arachides comme ça de 25 francs pour dormir pendant une semaine, en gardant de l'argent pour pouvoir faire quelque chose, avec un petit fonds de commerce, avec, il saura ce que veut dire ne pas prendre de l'argent pour gaspiller. Mais celui qui est sorti de l'euro comme ça, là, que son père a volé 50 milliards, gardé en banque, ne t'inquiète pas, mon fils, tu as un compte qui t'attend. Va en France, va passer de France là-bas. Fuis là-bas, quand il y a l'étude là-bas, tu fuis, tu pars de côté. À l'université, on le cherche son diplôme, on lui donne le titre de docteur honorifice. Il ne peut pas savoir ce que c'est que la souffrance. En conclusion, la souffrance est l'école dans laquelle les saints de Dieu graduent pour parvenir à la sainteté que Dieu recherche. Amen. La souffrance. Romains, j'étais dans le livre de Romains, allons dans le livre de Romains, avant de rentrer dans ce Hébreux chapitre 13 aussi. Donc si vous fuyez la souffrance, ça veut dire que vous fuyez le règne avec le Seigneur. Il n'y a pas de règne avec lui sans souffrir. Jamais. Romains chapitre 8. On y va. Je vais lire à partir du verset 16, le verset que vous connaissez. Romains chapitre 8, à partir du verset 16, je vais lire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voici encore le verset qui va falloir que les chrétiens puissent saisir qu'il faut que l'Esprit te dise que tu es son enfant. S'il ne dit pas, ouvrez. On avance ici. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et maintenant, les pasteurs vont sans expliquer, vont dire, tu es héritier avec Christ. tu règnes avec Christ. Régnez sur cette terre-ci, entrez dans la politique, faites des choses, allez dans votre marché. Par conséquent, si ils vont vous dire quelque chose, ça, ça risque de choquer, mais c'est la vérité. Écoutez très attentivement, ceci. Même si vous fuyez la souffrance, en allant prêter les vestes, des habits somptueux en portant, pour qu'au milieu de l'assemblée, on voit que tout est bien, et que comme pour ceux qui ont les télévisions, les chaînes de télévision, on montre pour que tout semble être bien. Quand tu rentres, après avoir remis la veste et l'habit de la personne, le miroir de votre mur vous dit que vous êtes dans la souffrance. Romains chapitre 8. Verset 17 maintenant. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Après, on dit, regardez, c'est toutefois. Vous avez vu l'espoir, hein? Oui, à condition que. C'est toutefois. À condition que nous souffrons avec. Afin d'être glorifiés avec. Donc, si vous ne souffrez pas, on n'est pas. C'est simple, c'est la règle. Suivez attentivement, verset 18. J'estime que les. Du temps présent ne saurait être comparé à la gloire qui sera révélée pour nous. Donc il y a quelque chose qui nous attend. Mais pour le moment, on doit passer par cela. Puis il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si le pasteur pantotiste nouvellement charismatique connaît tous ces versets-ci. Oh bien-aimé, si vous pouvez saisir la révélation qui est ici derrière, Dieu attend la manifestation. Il faut que tu te manifestes, il faut qu'on voit la gloire de Dieu sur toi. Le verset qui est en haut dit que ce n'est pas la souffrance que ça se passe. Donc, l'église de notre époque veut régner avec Christ sans souffrir, sans passer par la croix. On veut passer dans la gloire sans jamais souffrir. Bien-aimé, te dit ici que si tu es pauvre, c'est la malédiction. La Bible déclare que le pauvre et le juriste, c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Dieu vient de dire que Dieu était maudit. Donc, on va continuer de toute façon. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, afin, avec l'expérience qu'elle aussi sera franchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous y êtes? Au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre. Donc, on a dit que ce n'est pas seulement les hommes qui souffrent, on dit la création tout entière. Vous plantez le bananier. Vous voyez, les feuilles de bananier sont vertes. Deux jours après, une des feuilles est jaune, ça tombe. Ça a l'air d'indiquer que le Seigneur vient nous délivrer. C'est ce que la feuille vient de dire. C'est ce que la Bible vient d'expliquer. Il dit, or, verset 22, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices. Non, j'ai sauté, je vais le dire encore, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, tout là, en train de chercher la délivrance. N'avons-nous pas vu ici dans la première partie, dans le psaume 111, verset 9, que le Seigneur a envoyé la délivrance à son peuple? Son peuple va obtenir la délivrance. On dit que toute la création est soupirée, qu'on attend que Dieu accorde ce qu'il a promis aux enfants de Dieu pour qu'eux aussi y participent. Les chrétiens d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui disent qu'il faut qu'on vive ça là maintenant. Et tu as la gloire. Il faut que tu sois chef dans ton entreprise, tu seras à la terre et non à eux. Ce n'est pas la première fois. Partout où on est passé, Joseph avait à sa tête Pharaon. Daniel avait sa tête Darius. Et ils n'étaient pas obligés de suivre Dieu. Vous montez, vous descendez, vous allez voir. Voilà les gens qui ont les grandes agences de voyage. Ce sont les sorciers qui versent le sang. Vous allez là-bas pour déposer votre CV. On regarde même d'abord, on nous dit pour te donner la place pour que tu balayes là-bas. Après, tu t'effaces, tu dis que nous sommes venus sur la terre pour balayer les choses des gens. Regarde les gens, si ils vivent dans le péché. Vous voyez la personne qui a l'entreprise couche avec les femmes d'autrui, arrange les gens en plein air comme ça. Là. Toi, tu dis, oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ils sont venus accompagner les gens sur la terre. Accompagner. Ils sont venus accompagner vraiment. Tu dois souffrir ta part. Malachi chapitre 3. Allons-y quelque part là-bas, disons quelque chose. Donc vous voyez, prenez votre vie spirituelle entre les mains parce que Dieu est à l'oreille attentive sur la terre. Malachi chapitre 3. Souvenez-vous, n'ayez pas peur, ne pas parler que vous êtes maudit par la malédiction. Non, c'est pas ça qu'il veut lire. C'est ce qu'on dit Malachi chapitre 3. Quelqu'un parle de toi, le verset 10, c'est mort. Non, c'est pas ça qu'il veut vous dire. D'accord, on va aller au dernier salon pour les dimanches avec les dimanchards. Écoutez très attentivement. Et les dimovores, et les dimanchards qui s'endimanchent chaque dimanche, quel qu'en soit ce qu'il en est, si tu t'endimanches n'importe comment, le dimanche va finir, lundi va arriver, tu vas entrer dans le train quotidien avec tes souffrances. Donc la sensation de deux heures de temps que tu crées à l'intérieur, que ça t'est tombé haut, je suis piétin, je marche sur mes serpents, je marche sur le serpent, au nom de Jésus, c'est lui qui est en moi. Et puis, comment vous en chantez cela? Chante, si ce n'est pas vrai que celui qui est en toi, il n'est pas là. Quand tu vas sortir, Satan va dire, ok, tu as fini babader. Tu vas boire le tapioca ici. Tu vas confirmer. Donc, fais attention. Laissez que Christ se forme en vous. Si Christ se forme en vous, vous n'allez pas vivre dans la vanité. Vous n'allez pas rechercher la vanité. Vous n'allez pas vous considérer comme si vous étiez arrivé. Vous n'allez pas vous considérer comme si il n'y a que vous. Vous allez voir que plus Christ forme en vous, plus son humilité vous fait ça vous rabaisser tout simplement. Donc maintenant, Malachie chapitre 3, le verset 13, suivant attentivement ce que le Seigneur va dire. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vos paroles sont rudes contre moi. Donc Dieu dit qu'il reçoit les coups en haut, parce qu'ils sont de nos bouches. Vous voyez? Suivant donc pourquoi Dieu va dire que nos paroles sont dures. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Il dit, vous avez dit c'est en vain que l'on sait Dieu. Il dit, Dieu a regardé dit ce qui se passe sur la terre. Donc tu vois, la soeur, si va visiter cette soeur, dit, ça va ma soeur, tu entends d'abord, avant de répondre, elle fait, tu vois, la longueur de son jupe montre clairement ce qu'elle souffre dans le cœur. Que tu dis c'est quoi? Il dit que depuis moi, suivant ce que Dieu va dire, c'est Dieu qui parle. Verset 14 dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Donc en réalité, la Bible nous révèle que il y a des gens qui savent que quand ils servent Dieu, rien ne marche pour eux. Ah, vous ne savez pas quelle fidélité à Dieu. Et il dit, et a marché avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Verset 15, maintenant, nous estimons heureux les hautains, dont le mondain là, non? Il dit, oui, les méchants prospèrent. Ce n'est pas ce qui est écrit. Vous voyez physiquement, ce n'est pas eux qui prospèrent. Hein? Citez-moi une grande entreprise des milliardaires chrétiens. Citez. Ce n'est pas eux, les parasites qu'on peut les dire chaque jour. Quand Dieu fait, tu es béni, non? Quand Dieu fait, Dieu ne peut pas faire comme ça, non? Allez là-bas, regardez si on casse le marché, on ne casse pas les trucs de marchandises des chrétiens. Même les chrétiens qui entrent dans les débrouillardises, quand on veut casser les lieux de marché, on casse aussi peu eux. On commence même par eux. Voilà. Voilà, c'est le frère. Quand on les chasse. Bon, si il dit en commun, tu vas commencer à parler contre le gouvernement ici. Donc, continuons ici. Là. Il dit, mais c'est que maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. La Bible déclare, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Donc voilà les gens qui vivaient, qui craignent Dieu. Ils ont constaté que leur vie matérielle ne fonctionne pas. Ils commençaient à parler comme mince. Bon, 16. Comment nous prions chaque jour? Rien ne semble marcher pour nous. Voilà les gens, voilà le monde. C'est pas ce qu'on dit. Dieu a commencé par dire, vos paroles sont rudes contre moi. Il dit, en disant ces paroles, c'est rude contre Dieu. Il veut dire que c'est une parole de manque de foi. C'est ce qu'il veut dire. Une parole de manque de foi. Vous ne voyez pas au-delà du matériel. Si vous voyez au bout de leur matériel, vous allez voir que ils vont comme ça pour aller périr, mais il y a une chose, il y a un remplacement. Lorsqu'on sera dans la joie, c'est pas en fait du fait qu'on a souffert véritablement ici. Regardez l'histoire de Lazare. Quand un riche était sur la terre, l'homme riche et Lazare, quand ils sont traversés, l'homme riche était en enfer, au séjour de mort, Lazare était là-bas. Abraham lui a dit que là-bas, sur la terre, tu avais ta joie, ta consolation. Lui souffrait. Maintenant, il est ici. Tu as là ta récompense sur la terre. Maintenant, il est ici pour être consolé, pour que toi aussi tu souffres. Ce n'est qu'une partie remise. D'accord? C'est pour ça que dans le livre des Hébreux qu'on a vu là, au chapitre 11, la Bible déclare qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu ce qui était avant. Ils ont refusé même la délivrance sur la terre. Que waouh! Ce qui Dieu nous donne là-bas, le matérialisme peut m'aveugler. Je refuse même qu'il me donne ça. Mais les pasteurs viennent aujourd'hui. Dit que si tu n'as pas construit la maison sur la terre, je ne crois pas que oh, tu auras une maison. Donc ça veut dire que si tu ne construis pas la maison sur la terre, tu auras la maison en haut. L'apôtre Pierre lui l'a dit à Jésus, voici nous avons tout quitté sur la terre-ci. On a tout quitté, abandonné pour te suivre. Qu'en sera-t-il? Jésus a dit qu'au finish, à la fin là-bas, il y aura la vie éternelle. Il y aura aussi ça là-bas. Alors, qu'est-ce que le pasteur veut nous enseigner aujourd'hui? La mondanité. Ah, vraiment. Verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Donc, toutes vos conversations que vous avez ici, chaque fois, la Bible déclare que l'Éternel fut attentif et il écouta. La Bible déclare un livre de souvenirs. Il dit là-bas, la Bible déclare un livre de souvenirs fut écrit devant. Vous savez ce qui est écrit? Un livre de souvenirs. Donc, mon cher, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Si tu harangues Dieu, tu montes tes doigts en haut comme ça, que si tu ne me réponds pas, c'est soit c'est fort avec moi. L'air qui te donne là, si tu demandes de payer, chaque mètre cube, tu peux payer. Son eau que tu bois depuis là. Jusqu'à ce que tu passes quelque part, un jour on a coupé l'eau. Imagine seulement quand on coupe l'eau dans ton quartier, deux jours, tu vois comment tu sens même l'environnement sans que tu n'as pas besoin de l'eau. L'environnement semble bizarre. Quand tu verses l'eau sur toi, tu te dis, ah, l'eau c'est la vie. Tu peux lui dire que c'est Jésus qui est la vie, comme ça, Jésus que tu te laves avec. Parce que c'est Jésus qui est la vie. Tu peux payer une goutte. Quand tu bois une goutte, tu fais. Ah, qui me dit comme ça, c'est merci Seigneur en réalité. Ton existence même, tu ne peux même pas. Tu peux payer. Bloque un peu ton nez, tu fais 5 minutes, tu vois. Tu vas vite ouvrir, c'est ta propre, mais tu vas taper ta propre main pour ouvrir, pour pouvoir respirer. Alors pourquoi ne pas lui dire merci? Vous cessez, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'un livre de souvenirs fut écrit devant le Seigneur pour ceux qui souhaitent, pour ceux qui font l'éternel. Après, il dit ici, là, qu'il donne une promesse. Il y aura une nette différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc, un livre de souvenirs devant Dieu pour nos actions sur la terre. Faisons attention. Quelles sont donc nos motivations pour aller devant Dieu? Quelles sont nos motivations de prière? Nous prions. 90 prières, c'est Seigneur, donne-moi. Dieu dit que mince. Si tu donnes tout ça, tu vas faire quoi avec? Les gens sont sur la terre, ils ont ce que tu as. Ok, donne-moi aussi la voiture. Il te montre dans la vision qu'il t'a donné une voiture, tu as eu. Prochaine carrefour, quand le jour où tu as démarré, tu es entré sur le camion, tu es mort. Tu te lèves, tu dis, je chasse cette voiture au nom de Jésus, Et que ça ne vient plus. Pas vrai? Alors la Bible déclare qu'il sait ce qui est bien pour nous. Allons devant le Seigneur en disant, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. D'accord? C'est l'une des meilleures prières là-bas. Seigneur, non pas ma volonté. Dans Jérémie chapitre 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. D'accord? Il dit donc qu'il connaît le projet qui est sur nous. Tu viens, tu dis que Seigneur, je vais être avocat. Okay, il dirait que tu sois prune. S'il voulait que tu sois prune, alors tu vas faire comment? Il dit, je veux être avocat, je veux. Dis à ton voisin, en Christ, ton âme, ton corps, ton esprit appartient à Jésus. Vous êtes sûr, ça, c'est ce que la Bible déclare. Si ça appartient à Jésus, ton jeu la meurt. C'est ce que Jésus a dit, pas vrai? Il a dit que si quelqu'un meurt à lui-même, donc le jeu doit quitter. Tu dis je. Tu n'es pas encore prêt pour suivre Jésus. C'est pour ça que quand le je ne marche pas, tu te fâches de lui. Tu te fâches de lui, ça ne changera pas J qui est devant son nom. Même si tu enlèves le je qui est Jésus, tu dis que c'est je maintenant, ça ne marchera pas pour toi. Parce que il faut que tu meurs pour que l'esprit prenne vie. Amen. Dis à ton voisin donc, prends ta vie spirituelle entre les mains. Hébreux 13 nous a montré 1. Persévérer dans l'amour fraternel. 2. Exercer l'hospitalité. 3. Souvenez-vous des prisonniers. 4. Il nous dit au verset 4 maintenant. Il dit qu'il faut qu'on s'abstienne à l'impudicité, que le lit conjugal soit exempt de tout. Puis au verset 7, maintenant, j'ai pu dire que jusqu'au verset 7, puis on le verset 7, et puis on s'arrête là-bas pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donc, Hébreux chapitre 3, verset, 13, verset 7, lisons cela. Verset 7 dit quelque chose de merveilleux. Non, je crois qu'on a. J'ai cité au verset 4, j'ai cité au verset 6 et 7, 5 et 6. Pourtant, c'est merveilleux là. Regardez, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Vous voyez ce qu'il a dit aux chrétiens? Contentez-vous de ce que vous avez. Dis à ton voisin, tu as combien? Répondez alors. Réponds, je sais que quelqu'un t'a posé la question, réponds-lui. Tu as combien, mon frère? Moi, je cherche encore, frère. Cherche encore. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu a déjà dit que je ne peux pas t'abandonner. Je vous pose une question simple. Vous admettez ou non, vous avez souffert depuis votre naissance, n'est-ce pas? C'est par votre force que vous êtes sorti de cette souffrance. Non. Vous avez vu que d'une façon ou d'une autre, une voie a été ouverte et la chose Amen. A été résolue. Amen. Qui faisait cela? Amen. Qui faisait? Maintenant que tu vas comprendre que Dieu est bon, tu veux lui imposer maintenant ton rythme. Alors que quand tu étais innocent et ignorant, il te conduisait dans son rythme. Sans que tu ne saches et sans que tu ne lui obéisses, il faisait. Maintenant, quand tu es devenu sage, tu dis, hey, il faut que ça vienne là maintenant. J'ai fait mon miracle. Oui. Tu as chanté ça 2-3 fois, ça a marché. Oui. On ne change pas, non. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Quand il ne te délaisserai point, il veut dire par exemple que si tu passes n'importe quel point, fais-moi confiance. Fais-moi confiance parce qu'il va faire toutes choses bonnes ensemble. Ton temps que tu penses qu'il faut que tu aies là n'est pas nécessairement son temps. Lorsque Dieu agit dans vos vies, et que même si je viens de souffrir, lorsqu'il a agi, vous savez tout simplement que c'était le moment. C'est-à-dire que vous, quand vous arrivez, vous comprenez que waouh, en fait, comme ils ont raconté qu'elle a prié et que le même jour je suis venu. Plusieurs fois, il m'a fait signe. On a donné rendez-vous, que je me suis oublié, j'étais ici, plongé. Je ne suis pas parti. On a fait on m'a appelé de la présence pour m'insulter. Parce qu'on m'a envoyé le billet d'invitation pour venir au 20 mai à Stel au palais présidentiel. Je vous ai montré, quand ils m'ont dit ça à quelqu'un, toi tu as vu cela? Je ne suis pas parti. J'étais ici plongé. J'étais obligé d'être avec vous ici. Je ne suis pas parti à l'invitation. On m'a invité à la présidence. On m'a même dit que tu fais un billet comme ça. Là, tu ne viens pas. Le président t'invite pour rester au 20 mai au palais. Tu ne viens pas. Et toi, il faut comment? Les chrétiens m'intéressent plus que la présidence. Ils m'intéressent plus que la présidence. Il dit que je vais vous montrer. Le bien des personnes a montré, madame et monsieur Chabda, vous avez invité le président pour le bien et sa fournée d'épouse, et ça va qu'elle de vous amener, venez comme ça. C'est là le bien qu'on invite aux gens. C'est là qu'on a invité. J'étais dans le jeûne et dans la prière. Je ne devais pas quitter votre milieu pour aller parce que je veux servir. Contentons-nous de ce que nous avons. Le Seigneur nous conduit. D'accord? Ok, maintenant, je pose une question. J'ai quitté le bon pour aller là-bas. Oh, maintenant, je suis avec vous. Les vies sont transformées. Ça, c'est la meilleure des choses que quelqu'un puisse avoir. C'est la satisfaction. C'est là que vous allez vers la présence. Vous voyez, il dit qu'une année, on est allé là-bas. On a vu comment on dresse les tables, d'abord, les gens mangent. Je veux dire, les petits jus qui ont 205 ans. Vous voyez une maman, une femme de ministre. La vie qu'elle a sur elle, c'est dans les 300 000 francs CFA. Ma femme a ri jusqu'à. Je suis allé, j'ai dit, elle était laissée derrière. On partait chacun, c'est le self-service. Je suis allé prendre, je suis allé à la foule, je me servais, les colonels et tous les ministres sont là, on se sert. Je vais se passer comme les gens étaient pleins à la table. Vous voyez, maman, elle bousculait pour passer. Il dit, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle veut? Je l'ai vu, c'est attendu. Le maman, c'est quoi? Je veux le jus que j'avais à main. J'ai tendu un de ses mains. La maman l'a fait. Ah, merci, mon fils. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, tu vois, toi et moi, nous sommes pauvres. Bon, ici, on est à Bion, je ne sais pas qui est qui. Voilà une femme d'un ministre, d'un grand de ce pays ici, qui cherche un jus de 250, parce qu'elle va tomber évanouie, c'est à cause d'un jus de 250. Je lui donne le jus que j'ai, elle me dit, merci mon fils, que Dieu te bénisse. Elle a dit d'abord que Dieu me bénisse à cause du jus de 250. On va sortir de la présidence, je vois un homme avec la veste, qui a mis entre ses mains la papaye, les ananas et autres, le reste, les femmes volaient les cuillères pour mettre dans le sac devant moi. Dieu me fait seulement voir des choses ici là-bas pour rentrer. Si elle n'a pas les cuillères chez elle, tu poses la question à quelqu'un, il dit que c'est l'argent de mon pays. L'autre sentier avec l'ananas, il dit mon ami, là, pour sortir de la prison pour arriver à Andy, le prochain taxi, c'est pas facile de chauffer le taxi. Tu marches avec l'ananas avec la veste sur toi comme ça. Il s'est tourné avec l'ananas, comme ça, il dit que c'est l'ananas de la présidence. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il l'oublie, c'est qu'à la présence, à l'intérieur de la présence, c'est pas la nana, ça sort de l'extérieur. Ça sort de l'extérieur pour entrer là-bas. Il dit que même si ce n'est pas comment, c'est sorti de l'extérieur, c'est entré, c'est sorti de la présidence. Devait rentrer pour dire que la présidence, il a sorti la nana à la présidence. Vous voyez comment l'être humain peut être aussi bas. Des gens, les mamans servaient le haricot dans le. Vous savez, quand il y a les bières à pression là-bas, le gobelet jetable. Le temps qu'on attend qu'on lave la cuillère et le problème, elle a dit que non, la nourriture, c'est fini. Il y a la nourriture pour tout le monde. Elle prend le haricot, elle met la laine et plonge le doigt. Vous dites, comment un être humain peut être comme ça? Et si on ne prend ça parce que les inquiétudes qu'il y a sur le cœur, si on ne prend ça par cause de souffrance, on refuse de souffrir. Les gens refusent de souffrir tout simplement parce que on veut que tout aille bien. Mais Dieu ne veut pas que c'est comme ça là. Souvenez-vous, l'école de souffrance, c'est l'école pour arriver à la sainteté de Dieu. C'est l'école pour comprendre ses voies. C'est l'école pour savoir comment Dieu veut qu'on marche. Ce n'est pas nous qui imposons nos rythmes à Dieu. Nous devons suivre ces rythmes à lui. Et donc, vous devez suivre et passer chaque test que Dieu donne. Vous ne passez pas ces tests-là, vous allez redoubler. Tournez en rond et continuez à murmurer. Vous suivez. Autre chose maintenant que vous devez savoir, c'est que tant que vous ne passez pas ces épreuves-là, vous serez toujours les bébés spirituels malmenés. C'est pour cela que vous pouvez aller chez le pasteur. On vous dit, faites telle chose. Vous n'avez pas de tactique à faire pour que Dieu vous bénisse. Dieu veut seulement l'obéissance à sa voix. Point final. Quand tu obéis à la voix de Dieu, alors tu te mets sous la grâce où il peut faire maintenant ce qu'il veut faire pour toi facilement. C'est pour ça qu'on vous trompe en disant que donc tu as dit, vous pouvez être béni. Fais ceci. Non. La Bible déclare que Dieu veut quelque chose. Il y a quelque chose qu'il veut plus que le sacrifice. C'est quoi? C'est pas ce qu'il écrit, frère. C'est pas ce qu'il écrit. Regardons ça ici. Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Regardons au verset 16. Regardons là. Verset 15 et 16, regarde. Par lui, par Yeshua, par Jésus. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance. La bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Tu quittes à la maison, ton voisin n'a pas mangé, tu portes le pasteur cupide. Tu crois ce qu'on va passer parce que tu crois que quand il va donner, il va te bénir. Dieu ne vient en aide. Donc, rentrons dans le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Donc, comme Dieu a dit, il a dit tout à l'heure que je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit donc que c'est avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide. Dis à quelqu'un que le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Il dit, la Bible déclare, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Seigneur est mon aide? Pourquoi le Seigneur te vient en aide? Il faut que tu aies besoin d'aide. Si tu es dans la satisfaction, en réalité, tu n'as pas besoin du Seigneur Jésus. C'est ceux qui ont besoin, qui ont soif de quelque chose, qui ont besoin de Jésus. Et malheureusement, les gens effectivement soif de Jésus, mais ils se contentent plutôt avec le matériel. Ils cherchent plutôt le matériel. Ils croient peut-être qu'en fait, c'est le matériel qu'il le faut. Tu crois que, vous voyez, quelqu'un s'assoit sur le lieu et il dit que si j'ai un 5 millions là, mon problème est résolu. Ton problème est résolu? Ok. Parce que j'ai mon terrain là, avec 5 millions, je construis mon petite maison, il ne dérange personne. Tu ne déranges personne. Ah, je finis de construire maintenant, tu mets la lumière, maintenant il faut payer la lumière. Qu'est-ce que tu en dis? C'est pas ça? Tu dis que, ouais, quand je finis de construire comme ça, il fait chaud comme la société en est tournée comme ça. Il me faut un lot glacé. Ça veut dire qu'il te faut le congélateur, pas vrai? Tu achètes le congélateur, le courant augmente. Tu vois que le problème doit toujours augmenter. Donc, en fait, ce n'est pas le problème de 5 millions qu'il faut. C'est le problème de la personne qui peut te donner les résultats chaque fois quand tu vas avoir le problème. C'est cette personne qu'il faut chercher. Si tu le cherches, quand tu seras dans le besoin, il va venir en aide. Si vous vous contentez de ces choses, tu es limité parce que tu vois que c'est le problème que tu as maintenant. Un problème résolu n'est pas la fin des problèmes. Un problème résolu n'est que la solution pour confirmer qu'il y a encore d'autres problèmes qui arrivent. Amen. Bonne soirée. Dieu agit en son temps, même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience. Les bons vont chanter. La délivrance de nos sauveurs en son temps, en son temps, en son temps, oui, ma sœur. Il agit en son temps, mais si les souffrances du monde accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur en son temps, en son temps. Oui, ma sœur, tu agis en son temps. Mais si les problèmes du monde t'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur en son temps, en son temps, en son temps. Oui, mon frère, tu agis en son temps. Mais si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Seigneur. Et vous racontez une histoire. C'est le cantique que vous suivez là, c'est le cantique qui a meublé ma vie spirituelle. Amen. Qui m'a fait grandir. C'est un cantique, c'est l'un de mes meilleurs cantiques là-bas. Et vous dites, restons debout, je vais vous expliquer l'origine de ces cantiques là dans mon cœur. Quand je venais de croire, vous savez, Dieu va faire. Je vous dis que je suis passé à l'université de la souffrance. Je suis diplômé de la souffrance. Donc j'ai mon niveau. Je crois que j'ai atteint le niveau maîtrise. Je sais qu'il y a des gens qui ont le doctorat en souffrance. D'accord. Lorsque j'ai passé par la souffrance, quand ma femme m'a connu, j'avais un short, avec un habit, avec le col comme ça. Beaucoup de personnes l'ont incriminé le fait qu'elle m'a aimé. On disait que ce pauvre garçon, si vous savez, le monde a son standard. Que pour aimer quelqu'un, il faut avoir de l'argent. Et si demain maintenant, tu aimes, tu l'aimes, l'argent que tu as pas, tu fais comment? L'amour c'est fini. Voilà. On n'aime pas quelqu'un par motif d'intérêt. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas le cœur à quoi le lendemain est fait. Parce que Dieu peut en un seul clin d'œil transformer la personne. La personne que tu... Vous voyez, il y a des gens... J'ai un témoignage dans ma famille. J'avais une cousine qui, quand elle était jeune, belle, vous parlez de la beauté. Elle passait, elle marchait, elle passait derrière, comme ça, il y en a. Le préfet était derrière elle. Le préfet, celui-ci, je dirais, laissé, dit, hey, non, elle aimait seulement aller marcher avec, parce que Dieu avait monté la voiture, vend, je suis monté avec le préfet, vend avec le sous-préfet, vend avec le commissaire, c'est comme ça qu'elle faisait. Un garçon a senti que non, ici, là, la fille est belle, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il a cherché une veste, mon frère, porter ça comme ça, venir comme ça. Essayez de chercher le vocabulaire conjugatique et grammatical. Quand il est venu, il a dit que quand je t'ai vu là, il va passer avec comme ça, là. L'art, c'est le nez que tu as formé a fait de temps que l'amour a effleuré la tangente de mon cœur. Elle a dit que oui, c'est toi. Elle a dit oui, c'est toi. Elle a accepté le mariage. Elle a compris que c'était un pauvre. La valeur sur laquelle elle était tombée, elle a échoué. Maintenant, elle est dans l'école de souffrance. Maintenant, elle est en Christ. Donc, elle comprend ces choses. Amen. Faisons attention. Amen. Vous pouvez considérer quelqu'un aujourd'hui comme pauvre. Vous ne connaissez pas à quoi le lendemain. Amen. Quelqu'un n'est pas pauvre par naissance. Amen. On est pauvre par état. Et l'état n'est pas permanent. L'état n'est pas permanent. Alors, j'étais comme ça. J'habitais, comme je vous ai toujours raconté mes histoires, j'habitais comme ça chez un ami. On m'épuisait. Cet ami-là est toujours là où je suis. Là où nous étions. Quand on va aller là-bas, il dit qu'il est toujours dans la même chambre. On a quitté là-bas. Il avait l'évolution jusqu'à maintenant. Quand il a vu, il est venu la première fois, on est venu à la maison parce qu'il a eu des problèmes où le cœur est venu se confesser. Il dit, quand il était pardonné, ça fait un an, il savait que tu avais toutes ces choses. Il dit, mais comment tu dois même me faire comme ça? Il dit, reste tranquille. Parce que Dieu m'a dit, il faut que je sache de rester en silence pour que tu traites mes ennemis. Il dit, lui, il est venu se procéder un jour, là, vous avez ma femme. Il dit à ma femme que c'est dit, pardon, librement. Il dit, comment? Ma femme dit, je n'aime pas qu'on marche sur toi comme ça. Il dit, tu es obligé, je suis le torchon de Dieu. Amen. Dieu me dit comme son torchon. Amen. Donc, je me traite n'importe comment, je n'ai fait de ma vie aucun cas. Donc, parce que depuis l'enfance, je suis passé par là. Donc, quand quelqu'un dit, tu dis n'importe quoi, tu m'appelles ou non, tu appelles Tchap. Tu tires comme ça jusqu'à ce que d'en bas de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Quand tu vas tirer, mon nom est élastique. Quand vous allez tirer, ça va revenir, c'est Tchabda. Amen. Alors, je suis tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de passer cantique-ci. Tout mon temps, quand il passait, il restait comme ça. Et puis, ça venait sur le cœur. Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience que Dieu agit dans ma vie en son temps. Mais voici ici maintenant, aujourd'hui. Quand les gens viennent me voir, ils disent que, oh, il a la voiture, oh, il a bien une belle maison, il a bien une belle maison. Si on était 3 années ou 4 années plus tôt, je te prêche la Bible. Et les gens m'ont dit cela, et ce sont mes défis là. Les gens m'ont dit que tu prêches aux gens pour qu'on ne voit pas la gloire de Dieu sur toi. Les gens ont tronqué la gloire de Dieu sur le matériel. C'est ça qui a fait que les gens ont raté Jésus. Quand il est venu, il est né, lui, là où il y a le poulailler, son premier parfait, c'était les pépettes de la chèvre. Le premier patron de Jésus. On a dit que c'est le lieu de Messie. Le pharisien a dit mais quoi Messie. Si c'est ton Messie, allez là-bas. Le Messie, il n'est pas chez Caïphe. Il n'est pas chez Anne, les grands là. Il vient naître là-bas. Le Messie de qui des Juifs jamais. Dieu dans la simplicité. Alors, Dieu élève ceux qui se rabaissent. C'est ce que la Bible déclare. Donc, ne regardez pas quelqu'un à jamais sur le présent, du fait qu'il soit pauvre ou soit riche. C'est la Bible qui dit que tu ne sais pas encore le lendemain est fait. Bon, il prend un exemple simple. Les enfants des ministres au pays ici. Oh, oh, oh, les enfants des ministres. Les enfants des ministres. Le secrétaire président. Oh, premier ministre. Ils sont en prison maintenant. Est-ce qu'un de ces enfants peut se vanter dans la rue? Il peut se vanter maintenant. Quelqu'un peut sortir maintenant que je suis l'enfant d'Adara Mebara. On va dire que je crois que la justice te cherche toi aussi. Ma frère. Maintenant, est-ce que ça fait bon vivre maintenant d'être cet enfant des ministres? Il fut un endroit où les filles auraient souhaité sortir avec eux, non? Qui peut s'aventurer là-bas? Vous voyez là, n'est-ce pas? Attendre avec silence le secours du Seigneur, qu'il vient et qu'il t'élève. Quand il va t'élever au point où il va te maintenir pour t'élever au fur et à mesure. Mais si tu essaies de courir, vendre des terres pour pouvoir s'enrichir, la Bible déclare que le signe de la chute des avant-coureurs, du scandale à venir, c'est une richesse promptement acquise ou bien frauduleusement acquise. Attendons avec patience que Dieu nous amène là où il veut nous amener. Amen. Que sa grâce vous demeure. Amen.